Micro ouvert. Un micro ouvert sur composition de ménage, la composition de ménage, un critère inégal et obsolète, point d'interrogation, le jeudi 25 octobre 2018. Donc, c'est pas... Non, c'est un récent colloque quand même. Hein. C'était plein de gens qui se rencontraient pour discuter de la chose et on espère se mettre aussi du coup dans l'action parce que c'est une géniale idée de plancher sur cette composition de ménage, sur ce statut de cohabitation, d'isolé, de cohabitant isolé, enfin voilà. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, on écoute un comédien qui s'appelle Jacques Gamblin, qui, allez, 25-30 minutes, nous lit son texte, mais qui est joli, qui est poétique, qui est engagé, qui est... Enfin voilà, j'avais envie, je l'ai mis en entier en fait, hein, et vraiment pas un petit bout. Donc, l'entièreté, 25-30 minutes, on s'écoute ce type qui nous parle du monde dans lequel il est. Il est. Nous sommes. C'est parti. Mon climat. Il y a quelques années déjà, les présentateurs météo, dans leurs prévisions, ont intégré la notion de ressenti quant à la température extérieure. Température 3 degrés au-dessus de zéro, ressenti moins 12, 17 degrés, ressenti 18. Je n'ai pour le moment encore jamais entendu que la température ressentie était identique à la température réelle. Notre ressenti est décidément rebelle. Jacques Gamblin. Je serais d'ailleurs curieux de savoir comment est calculé le ressenti de la population, si ces statistiques tiennent compte de la frilosité de chacun, si la personne interrogée porte des bottes ou des espadrilles, si elle a manqué de sommeil dans la nuit qui précède, si elle a perdu son boulot la veille ou gagné au loto, si elle habite en ville ou à la campagne, sa bonne santé mentale et physique, etc., etc., car tout est lié toujours, n'est-ce pas ? La réalité a donc perdu ses billes. Plus de noir, plus de blanc, que du sensible et du subjectif. La science dans ce domaine a donc fait un grand pas dans son désir d'être toujours plus précise, au point de ne plus l'être du tout. Les médiateurs qui tentent de résoudre les conflits entre des personnes le savent depuis longtemps, qui nous apprennent à dire notre ressenti plutôt que d'assaillir l'autre d'accusations. Je ne reproche rien, je ne te reproche rien, je te dis simplement ce que je ressens lorsque tu agis de la sorte, est en effet un bon début pour éviter de se mettre sur la gueule. Le ressenti individuel ayant supplanté la réalité générale, je me permets donc de donner le mien en toute humilité. Je ne reproche à personne de me faire manger de la merde, mais je tiens à vous dire que je ressens un cancer du sang, des os, du cerveau, du pancréas ou de l'estomac lorsque j'en mange. Je ne reproche pas aux partis politiques traditionnels de ne parler d'écologie que les années bissextiles, c'est-à-dire tous les 4 ans à l'approche de l'élection présidentielle ou quand le gazon de leurs dirigeants se met à jaunir, mais je ressens un profond malaise d'imaginer que nos enfants, nos petits-enfants et les leurs, accessoirement, payent et vont payer très cher cet irréalisme ou, pour parler trivialement, ce manque de couilles. En effet, je pense que notre plus profond désir à tous pourrait être de laisser l'endroit plus propre que nous l'avons trouvé en entrant. Rien n'est réellement à moi, ni ma petite ou grande maison, mon petit ou grand jardin. Je vis sur un morceau de terre et sous un morceau de ciel qu'on me prête. Je ne suis pas le premier à le dire, quelqu'un me prête ce que je possède. Quelqu'un d'avant, avant-avant, c'est-à-dire personne. Je ne crois ni en Dieu, ni en Yahvé, ni en Allah, je n'ai de carte dans aucun parti, je suis libre de penser et ne crois qu'une seule chose, que le brin d'herbe qui pousse, aussi bien que l'enfant, le caillou, la coccinelle, l'abeille, pour ne parler que d'elle, ou même le moustique, que j'écrase pourtant avec un certain plaisir, parce que quand même, il y a des limites, la salade dont je me nourris, la flaque d'eau, ou le bigorneau, la liste est longue, et je vous l'épargne. Bref, que tout ceci m'est offert, et que je dois être prêt à le rendre à personne qu'à lui-même. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis juste un militant de peu, qui ne se retrouve pas dans la logique consumériste qui semble se foutre de demain. Et je sais ce dont je parle. J'ai moi-même été élevé au biberon de la croissance effrénée des années 70, de la consommation frivole et addictive, avec des parents commerçants qui vendaient toutes sortes d'appareils électroménagers que nous testions à la maison avant de les vendre en magasin. C'était d'ailleurs, je dois dire, assez poilant d'être le cobaye des dernières inventions technologiques, souvent archi-débiles, créées pour soi-disant soulager la ménagère. Ouvre-boîte, presse-fruits ou couteau électrique, mixeur et batteur toute catégorie, robot Marie, robot Jeannette, ultra-cuiseur à deux vitesses, fer à repasser turbo, four à chaleur tournante, sorbetière à deux parfums. La fête des mères était la plus grosse journée de l'année. Tous ces objets que j'ai vus de mes yeux revenir quelques mois plus tard, se faire réparer quand on réparait encore ou atterrir dans les dépôts-ventes parce que la ménagère finissait toujours par se rendre compte qu'on mettait beaucoup de temps à trouver la bonne râpe, la bonne presse, les bonnes lames, la bonne brosse, à assembler le puzzle, à tenter une utilisation vaguement concluante, puis à nettoyer à grande eau, essuyer et ranger tout ça dans un placard inaccessible parce que quand même ça prend un peu de place tout ce petit bordel, avant de finalement atterrir au vide-grenier. Non, je ne suis pas un arriéré, un arriériste ou un refuseur de modernité. J'aime la modernité et ses inventions si elle améliore et simplifie l'ancienneté, si elle n'est pas bouffeuse de kilowatts et si sa vraie raison est de soulager la vie des gens et non de créer des besoins inutiles. On reproche aux soucieux de la Terre et de son devenir d'être catastrophistes, pessimistes, culpabilisateurs, de vouloir revenir à la bougie, mais ce ne sont que des mots. Des mots et de la mauvaise foi, de la controverse qui patine, des combats de coqs politiques, des renvois de patates chaudes, des laisser le boulot à ceux qui vont suivre, de la peur de voir s'envoler nos acquis et se défaire nos habitudes. Ces bonnes vieilles peurs du changement et cette hésitation stérile tuent le désir, tuent la fraîcheur et engendrent la résignation et la morosité. Je participais le week-end dernier à une réunion de famille qui rassemblait plus de 100 personnes qui ne se connaissaient pas toutes. Le placement était libre. Au déjeuner, les convives se sont débrouillés pour se placer entre connaissances. Et puis au dîner, tout le monde, absolument tout le monde, s'est assis par réflexe à la même place qu'au déjeuner. Ce bon vieux réflexe du « j'ai posé une fois mon cul sur cette chaise, alors elle m'appartient ». J'ai personnellement changé de place pour découvrir ainsi de nouveaux visages et de nouveaux discours et j'ai immédiatement été considéré comme le grain de sable qui perturbait la plage. Cette peur ancestrale de ce qui est nouveau ou différent, qui dit non avant de dire oui, nous fragilise et nous abîme. Lorsque cette peur se fissure et se calme, ne sommes-nous pas les premiers à être heureux et fiers d'avoir essayé ? La peur n'est pas le bon moteur. Quand une décision est prise, alors on se retrousse les manches, on solidarise, on transpire ensemble, on se sent intelligent ensemble, on bouge, on essaye, on tente, et la tristesse se dilue. C'est cette joie-là, moi, que j'ai envie de soulever, dire oui, on y va, on fonce, on est courageux, on a du cran. Ne serait-ce pas au fond de cela dont on a envie, d'être surpris et de se surprendre. Le monde associatif est joyeux parce qu'il agit. Il ne tourne pas sur lui-même en agitant des phrases. Son carburant n'est pas l'illusion. Quand des personnes passent une journée sur une plage ou dans une forêt pour y ramasser l'ordure, cela vous paraît peut-être très anecdotique, mais ces gens-là agissent et sont heureux de faire. Ne pas agir rapidement, efficacement, solidairement, politiquement, économiquement, industriellement, est inconscient et absurde. Aussi absurde que de planter des bites sur les trottoirs pour protéger les piétons des voitures qui, par voie de conséquence, empêchent ces mêmes piétons de marcher sur ces mêmes trottoirs. Que de sécuriser les cyclistes sur les voies de bus tout en les obligeant à respirer le trou du cul des mastodontes et son carbonique par paquet de 12. Que la climatisation allumés par habitude dans la plupart des hôtels, restaurants ou bâtiments collectifs au point d'attraper la mort au petit déjeuner quand il fait 35 degrés dehors. Que de fixer des barres sur les bancs publics pour empêcher les sans-abri d'y dormir, ce qui est un sommet d'intelligence puisque plus personne ne peut s'y asseoir. Que les portes automatiques des magasins qui s'ouvrent et se ferment à chaque passant qui passe, ça réchauffe le bitume, il est content. Que l'utilisation grandissante de la voiture dans des pays en développement, alors que d'autres développés vont être de toute façon obligés de la réduire. Que de trop produire, trop cueillir ou trop pêcher et de détruire ce trop au nom de l'économie de marché. Que de ne pas transmettre l'écologie dès le plus jeune âge dans les écoles comme une vraie matière qui pèse son vrai poids. La liste est longue, d'une logique qui part en vrille parce qu'avec le temps, le simple bon sens s'est fait la malle. Que voulons-nous comme vie, comme relation avec les autres, avec le travail, le temps libre, avec l'argent, les objets, avec la ville, les paysages, l'eau douce, l'eau salée, le bitume sous nos pieds, la terre qui salope nos chaussures, laboure nos certitudes et enracine nos existences. La vraie croissance, d'après moi, est celle de l'être humain qui tente de répondre à ces questions et non celle que les économistes patentés nous enfoncent dans le crâne à coups de massue chaque matin. Les politiques attendent les industriels qui attendent les politiques. Tout le monde s'attend. Et pendant ce mauvais temps ressenti, notre père, notre ami ou notre voisin meurt de ce crabe purulent et pullulant que certains crétins appellent encore une longue maladie. Je leur présenterai mon oncle qui est mort en 3 semaines de cette longue maladie. Nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux qui vont suivre est une chance. C'est ce qui nous rend vivants. L'irresponsabilité rend bête, s'abstenir rend bête, la faute aux autres rend bête, la faute à pas de chance rend inactif, la résignation rend amorphe, la victimisation rend triste. Alors faisons le boulot nous-mêmes, individuellement, 1+1+1+1, car il n'est plus l'heure d'accuser, la liste est en effet trop longue et l'efficacité nulle. Il est juste l'heure de mettre les mains dedans, de faire des toutes petites choses multipliées par des milliards de toutes petites qui montrent le chemin de nos désirs aux politiques peureux, de montrer l'exemple à nos décideurs qui décident si peu parce qu'ils pissent dans la culotte de leur impopularité. Rassurons-les, ils en ont besoin. Montrons-leur qu'ils ne craignent rien, que nous sommes prêts, que nous sommes conscients et fiers de l'être, que nous avons envie de bouger pour nous, pour nos gamins et les gamins de nos gamins, parce que c'est le plus bel héritage que nous leur devons et qu'ils soient fiers de nous. Invitons-les au grand banquet des éléments. La mer monte, monte, monte. C'est l'heure de son déjeuner gourmand. Les îles feront son hors-d'œuvre, les dunes et les falaises sont plats de résistance. Quant au dessert, il dépendra de notre courage à rendre son appétit moins vorace. Plus nous sommes gourmands en énergie, plus elle le sera en appétit. Les preuves sont établies, alors pourquoi tergiverser ? Que tout le monde s'active alors. Maintenant, maintenant, pas dans 2 heures, je pense que maintenant, maintenant, le monde entier a les preuves en main sur ce climat ressenti et réel, qu'il a assez réfléchi, non ? Assez analysé le globe et son échauffement, assez mesuré la hauteur d'eau. Je vous en prie, bougez-vous maintenant, les gars, et laissez un peu de place aux filles. Nous, on est prêts. Les hommes sont prêts. Mettez de la terre et du ciel entre vos dents, mais ne parlez plus la bouche pleine et transpirez de la décision. Tombez les chemises et les cravates pour courir après demain. Arrêtez les ascenseurs et les tapis roulants de l'inertie. Actionnez les manivelles. Allez, mesdames et messieurs, faut aller dans le grand bain. Brassez du concret, stoppez la parlerie, multipliez les muscles et arrêtez de ramper avec la langue. Elle a assez tourné, faut baver du palpable. Et vous aussi, les grands groupes industriels, montrez-nous que vos grands aïeuls étaient paysans et respectaient le nuage. Montrez-nous que vous êtes inventifs dans tous les cas de figure. Prouvez-nous que vous pouvez encore gagner votre vie dans la propreté, dans le plaisir de l'arbre et de l'olivier. Indiquez-nous la route, la belle route du collectif et du bien-être. Invitez-nous à boire une tasse en Seine, en Rhône, en Loire ou en Garonne. Arrêtez la compète, arrêtez les coups bas de la libre concurrence. Donnez-nous à voir les coups hauts, ceux qui vous et nous élèvent vers les cimes de la bonne santé de la tête et des jambes. Mélangez vos efforts, multipliez et additionnez vos recherches pour être fiers de vous-même et vous raser avec joie chaque matin devant le miroir. Arrêtez la peur du lendemain qui vous serre le bide et desserre nos pancréas fragiles. Intéressez-vous aux hommes, à leur chair, à leur peau, à leur cœur, plutôt qu'à leur retraite anticipée et à leur porte-monnaie. C'est de vous, entre autres, c'est vrai. Mais quand même, que doivent venir des milliers de solutions techniques et encourageantes qui caressent la terre dans le bon sens, le sens du vent porteur, porteur d'idées, de fantaisies singulières et salutaires. Et vous aussi, médias, de toutes couleurs et de toutes formes, je vous en prie, pédagogisez les infos. Nous ne sommes que d'éternels enfants. Offrez-nous de beaux exemples. Nous avons besoin d'admirer, pour imiter. S'il vous plaît, déployez les gorges de ces inconnus qui inventent de l'alternative positive tous les jours au réveil. Il y a des milliers de conquérants dans l'ombre qui ont arrêté la glose et creusent des solutions à main nue, à main propre. Nous voulons les connaître, nous, vos chers auditeurs, entendre leur souffle, leurs gestes, leurs idées qui transpirent, la sueur perlée de leur conscience. Ils s'en foutent, eux, du ressenti du climat, de la langue de bois déracinée de certains de nos élus et de l'info des kilomètres de bouchons au petit matin. Eux, ils avancent dans le réel et dans le pragmatique avec des initiatives qui imposent le respect et soulèvent les casquettes. Ces hommes-là, qui ont décidé le bonheur de faire et de créer, de prouver que le pire n'est jamais sûr, n'attendent plus rien de quiconque. Ils cultivent, ils cherchent jour et nuit, prennent de l'avance sur les vieilles habitudes, inventent un autre confort, une autre cohérence, une autre philosophie, un autre art de vivre moderne et sans frontières. Oui, ce sont ceux-là que j'ai envie d'écouter, avec mes oreilles bien ouvertes et disponibles. C'est avec ceux-là qu'il faut faire des unes et qu'il faut faire du bruit. Ce sont ceux-là qui, bouche fermée, nous ouvrent la voie du beau, du bon et que la terre remercie au crépuscule. Non, ce ne sont pas les polémiques politicardes et vulgaires encombrant les ondes qui me nourrissent. Elles assiègent quotidiennement notre intelligence et caricaturent l'engagement. Ces guérillas d'ego, ces effets d'annonce, ces crochets de droite et de gauche uppercutent mon cerveau en otage, ronronnent au fond de mes oreilles et font saigner mes tympans de citoyens. Oui, je vous en prie, laissez plutôt parler les muets, ceux qui sont déjà sur la route des possibles. Ça a l'air tout petit vu de loin, mais ça ne demande qu'à pousser. Il faut simplement arroser de l'eau, s'il vous plaît. Prêtez-leur des tuyaux. Vous les avez, les tuyaux, les bons tuyaux, vous, alors déroulez, déroulez. Quant à moi, je vais continuer ma petite œuvre de ma petite vie, de petit militant, en essayant de raboter mes petites et grandes incohérences. Je vais continuer à manger des légumes de saison, à éteindre la lumière quand elle n'éclaire plus que mon absence, à couper l'eau quand elle coule pour n'arroser rien, à expliquer à certains voisins de mon immeuble de ne pas tout mélanger les couleurs, vert, jaune ou blanc, parce que ça les arrange, à prendre du temps pour ça dans l'espace extrêmement convivial du local à poubelle. Voyez, que des petites conneries de tous les jours que mon père, qui ne votait pas écologique, mais qui vivait logique, m'a transmises. Et à rouler, rouler, pédaler, pédaler. Pédaler encore et encore avec ma deux roues. Oui, il faut que je vous parle d'elle, de mon grand amour, la deux roues, que je chevauche depuis tant d'années sous tous les cieux. Rouler, rouler à tout va, rouler à tout vent, d'ouest, de norrois, de surrois, ceux qui ont du souffle et de l'ambition, ceux de chez moi qui m'apportent les bonnes nouvelles du monde, ceux qui vont plus vite qu'ailleurs, qui ne laissent pas de traces et réinventent le ciel. Ciel poussé par le ciel. Ça bouge, ça s'envole, ça fuit, foule, défoule et renverse. Ça explose et ça gueule. Entier et sans entourloupe, ça a traversé tout un océan pour sculpter la pierre, inventer les reliefs et les caractères. Oui, rouler, rouler, rouler sur ma deux roues pour faire fondre la boule que j'ai au fond du ventre et toucher du doigt les jours meilleurs. Rouler, pousser sur le quadriceps, faire remonter les vapeurs de mes désirs et de mes impatiences pour les traduire en énergie positive. Depuis plus de 30 ans, je locomotionne la ville au quotidien avec elle, déroule et déboule sur le grand ruban gris. Près de tout, loin de rien, elle m'emporte et me rapporte, à jeun ou bourré, où je veux, quand je veux. Je file, me profile et me faufile entre les tôles, zigzag et m'insinue, me brèche et m'interstice. Prince du bitume, je gagne du temps, de l'énergie, de la fantaisie des chemins et des itinéraires, me joue des étoiles, des bastilles et des concordes aux heures de pointe, fait bisquer les nerveux, nargue les prétentieux et réinvente la ville. Pluie, grêle, neige, soleil à tue-tête. Je respire du carbonique, certes, mais pas plus ni moins que les solitaires dans leur cage de fer. C'est vérifié et surtout, je m'amuse. Ma deux roues m'a sauvé et je me sauve avec elle. Je me croyais condamné et captif de la cité, et elle a fait repousser mes ailes fanées. Mais vous n'avez pas froid en hiver ? Non, madame, jamais froid. Je régule mon chauffage à l'intensité de mes efforts. Mais vous n'avez pas trop chaud l'été ? Non, monsieur. Je circonvolutionne moins vite et le tour est joué. Mais vous ne transpirez pas avec votre sac sur le dos ? Non, madame. Il a sa cagette, le sac, à l'arrière. C'est un petit deux pièces, ma deux roues. J'y transporte tout, des sacs et valises, des bois et matériaux, des tringles à rideaux, des vases de Chine, des oléagineux, des boules de cristal, des huiles essentielles et des pensées aériennes. Et puis avec le temps, j'ai adopté sa famille, ses sœurs et ses cousines, la pliante qui prend le train sous mon bras, la de course, la tout-terrain, la tout-chemin, pour le loisir, le sportif ou le contemplatif, selon l'humeur ou la nécessité. Mais vous n'avez pas peur avec toute cette circulation ? Non, monsieur, c'est eux qui ont peur de moi. Et plus nous serons nombreux et plus ils auront peur de nous, jusqu'à plus de peur du tout, car un jour, il n'y aura que nous, et le français dépressif aura le sourire en liberté. Essayer, c'est l'adopter. Mais quand même, c'est dangereux ? Non, madame, ça aussi c'est vérifié, le moins dangereux des moyens de locomotion individuelle. Et les feux rouges, c'est emmerdant, ça casse l'effort. Non ? Oui, monsieur, je suis d'accord, ça casse l'effort et c'est pour ça que je les brûle. Mais quand même, c'est dur. Non, madame, ce sont les quatre premiers tours de roue qui sont durs. Après, les jambes se dévergondent et s'envolent. Et puis, si vraiment c'est dur, c'est que vous n'avez pas la bonne deux roues. Changez-en. Quand on ne vous aime pas, il faut partir. Pourquoi faire dur si on peut faire facile ? Oui, madame, oui, monsieur, la femme est l'avenir de l'homme, écrivait Aragon, maintenant les temps ont changé, c'est la deux roues. Toute forme et tout concept, tricycle, quadricycle, quincycle, sexcycle, autogénérateur d'énergie. Les chercheurs cherchent, ils vont trouver si on ne leur met pas des bâtons dans les roues. Nous ne sommes qu'au début du cycle du bicycle. Rigolez, vous verrez. Et c'est en peloton que nous roulerons vers des zones bien conservées, protégés des agressions particulières, les poumons gonflés d'air vicié, la mission de ces rouleurs planétaires sera de rejoindre des espaces sains, se vider, se remplir d'air pur, repartir vers le pays pollué, se vider du bon air, se remplir d'air vicié et recommencer. Chaque être humain deviendra ainsi un porteur d'air, comme le Tour de France a ses porteurs d'eau. Formidable, non ? Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté ce discours un peu dispersé, parfois un peu digressif aussi, mais aussi, au fond de moi, jamais confus, car tout est lié à jamais. Ma colère est joyeuse, ma rage entreprenante, mon idéalisme chevillé au corps, ma capacité d'étonnement sans faille et ma naïveté lucide. Quant au climat ressenti, il est partout. La terre dans mon ventre, la mer sous mes bras et le ciel dans ma tête. Partout, je vous dis. Vous le savez sans doute, les allocations de chômage ne sont pas les mêmes si vous avez un statut de cohabitant ou de personne isolée. Mais dans quelle catégorie se situent alors les personnes qui vivent en colocation ? La Cour de cassation vient de rendre une décision importante suite à une plainte de militants de la FGTB. Elle considère que les colocataires ne sont pas forcément des cohabitants. Explication, Marine Guillet. Julien vient de terminer ses études. Oscillant entre stage et petit boulot, il vit dans une colocation, comme beaucoup d'autres jeunes dans son cas. Il ne dépend bien sûr pas des autres locataires pour vivre, mais voilà, aux yeux de la loi, il est considéré comme cohabitant. Quand on vit seul et pas en couple, un appartement c'est souvent minimum 600 euros. Et tout simplement, quand on n'a pas de travail ou qu'on débute un travail, c'est une somme qui est impossible à payer pour un jeune de moins de 30 ans. Un statut de cohabitant qui pose problème puisque les allocations d'insertion varient en fonction de la situation familiale. Et les différences sont considérables. Pour les moins de 18 ans et ceux jusque 20 ans, comptez entre 54 et 78 euros de différence entre une personne isolée et un cohabitant. Dépassé les 21 ans, cette différence s'élève à plus de 400 euros. Une insécurité juridique qui a poussé la Cour de cassation à trancher. Une personne qui loue une maison avec d'autres, tout en assurant seule sa subsistance, doit être considérée comme isolée. Une décision qui a réjoui la FGTB. Je trouve que cette mesure est non seulement intéressante en termes de niveau de revenus pour les jeunes chômeurs, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais c'est aussi important parce que c'est un signal vers les décideurs politiques. On ne peut pas diminuer sans cesse les allocations ou plafonner les allocations sociales en regardant à côté que le prix du logement, les locations augmentent sans cesse. Cette décision-ci est une solution pratique pour les gens face à des allocations sociales qui diminuent. Cette décision de la Cour de cassation se rapproche plus de la réalité vécue par les jeunes et pourrait faire jurisprudence. Elle pourrait surtout impacter la manière dont les allocations sont réparties. Les règles administratives ont souvent du retard par rapport à l'évolution de nos habitudes de vie. Exemple avec la colocation. C'est un mode d'habitat qui est devenu très courant aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas vivre seuls ou pour des raisons financières. De plus en plus de Belges choisissent de partager un appartement, un immeuble ou encore une maison. C'est une solution intéressante, mais pour ceux qui bénéficient d'allocations sociales, ce statut de colocataire peut paradoxalement s'avérer très désavantageux. Voyez le reportage de Laurent Vandenberg. Ben voilà, on va rentrer donc chez moi. Je vous invite à rentrer. Thierry a emménagé dans cet appartement il y a 6 mois. Donc ici, on a un premier espace partagé, espace de relaxation. Une colocation de 5 personnes à Saint-Jos. Chacun y mène une vie indépendante. Prix 550 euros. Le loyer, charge comprise. Une première pièce d'eau partagée. Et alors ici, on va rentrer évidemment dans mon véritable territoire, ma chambre. Voilà. Pour Thierry, cette colocation est une façon de se refaire une santé financière avant d'emménager avec sa compagne. En attendant, il s'est domicilié ici. Le début des ennuis, il est chômeur de longue durée. On me considère comme cohabitant de par le principe que j'habite sur un plateau, un même plateau avec d'autres personnes, malgré le fait qu'il y ait 5 pièces distinctes où chacun vit chez soi. Et donc aujourd'hui, on est pénalisé. Je passe du statut d'isolé à 1070 euros par mois au statut de cohabitant à 550 euros par mois. Donc c'est une perte sèche de plus de 500 euros. Autrement dit, le prix du loyer qu'il ne sait plus payer. Thierry est loin d'être le seul dans le cas. Les changements de statut d'isolé à cohabitant sont de plus en plus nombreux, la faute à l'automatisation. L'ONEM n'est pas tenu de faire cette visite préalable et alors trop souvent l'ONEM, un peu par facilité, se base sur les données de l'inscription domiciliaire auprès des communes. En ville, les surprises sont nombreuses. À Bruxelles, un logement sur 7 abriterait une forme ou l'autre de colocation. Pour des raisons urbanistiques, il arrive que des maisons ne soient pas déclarées en appartements différents et que l'ensemble des personnes qui habitent dans un immeuble se retrouvent sur la même composition de ménage, alors même qu'elles n'ont aucun lien les unes avec les autres. En fait, la commune devrait se contenter de constater que la personne habite bien là où elle déclare qu'elle habite, la domicilier, et ne pas se mêler de la situation familiale. Une décision de la Cour de cassation va dans ce sens et demande que les agents de quartier cessent les contrôles trop poussés. Mais dans le même temps, le SPF intérieur demande exactement l'inverse, un casse-tête pour les communes. Il faut compter les pièces, les compteurs, enfin voilà, on nous donne un certain nombre d'indices. On continue à demander aux communes de décider si les personnes sont cohabitantes ou isolées. Les chômeurs ne sont pas les seuls concernés. Clara est étudiante, elle vit chez Anne-Marie, 85 ans. elle voudrait s'y domicilier. Impossible, car dans ce cas, la pension d'Anne-Marie diminuerait. Et ce cas est loin d'être unique. Il y a environ 1000 étudiants qui s'adressent à nous chaque année pour la recherche d'un logement. On est obligé de refuser la moitié d'entre eux parce qu'ils ont besoin de travailler pour financer leurs études et donc ils ont besoin d'une domiciliation. De son côté, Thierry a demandé à l'ONEM de revoir son dossier. Il pense pouvoir récupérer son statut d'isolé. Mais il le dit, le risque pour lui, c'est d'être expulsé de son appartement, faute de paiement. Plutôt que de passer votre après-midi ailleurs, merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour ce colloque qui a le titre peut-être un peu long, mais sans doute relativement révélateur, « Composition de ménage, un critère inégal et obsolète ». Alors, avant de passer la parole aux intervenantes et aux intervenants qui vont préciser ce que ça veut dire par rapport à une série de situations bien concrètes. Je les remercie d'abord de, non seulement de leur présence, mais aussi de la pertinence de leurs analyses et de leurs questions qui nous permettront d'aller effectivement un petit peu plus loin. Parce que c'est un débat qui peut paraître technique. Je dis paraître parce que finalement, derrière ces questions de réglementation, il y a la vie de nombreuses personnes et des conséquences très concrètes pour elles. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai d'abord travaillé comme permanent syndical et en fait, quand j'ai été engagé, c'était en 1980. Et c'était précisément l'époque choisie par le gouvernement de l'époque où on demande Wilfried Martens. Alors, je vous rassure, il n'a rien à voir avec un des intervenants qui s'appelle Yves Martens, qui n'est pas son fils ou son neveu. Rien à voir. Voilà, à l'époque, le ministre de l'Emploi s'appelait Roger de Rulf, c'était un socialiste flamand, et le gouvernement Martens de l'époque avait décidé de dire, voilà, on va maintenant avoir clairement trois catégories de chômeurs, les chefs de ménage, les isolés et les cohabitants. Alors, c'est pas encore trop grave de dire trois catégories. Le problème, c'est que le moment choisi, d'abord, c'était un moment de pleine crise économique avec une augmentation importante du chômage, avec une majorité de personnes qui étaient effectivement des cohabitants et avec, en fait, des droits bien différents, puisque les cohabitants se trouvaient avec un système d'indemnisation moindre et également avec un risque d'exclusion du chômage. Et donc, c'était l'introduction d'un critère de sélectivité familiale. Donc, je disais, ce système permettait peut-être payer à des taux différents et aussi d'exclure énormément de monde, puisque rien que la période de 97 à 2004, 90 000 personnes ont perdu leur droit au chômage dans la période qui précédait encore un petit peu plus. Et puis, quand on regarde quelles étaient les personnes qui perdaient le droit au chômage, on constatait que ça concernait en grande majorité des femmes. Trois quarts des personnes exclues étaient des femmes. C'est donc pas une mesure qui était neutre, c'est une mesure qui était entre guillemets genrée, donc qui s'attaquait de manière bien précise à une partie de la population en chômage. Mais je parle du chômage, mais dans le reste de la sécurité sociale, dans deux aspects de la vie, la notion de cohabitant, est-ce que c'est pas à l'origine d'autres droits différenciés? C'est sans doute une des questions qu'on va se poser ici au colloque. On va même essayer de donner un certain nombre de réponses précises et d'apporter également un certain nombre de clarifications parfois sur un certain nombre de mots. C'est quoi cohabitant? C'est quoi colocataire? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'évolutions également sociologiques et autres? Et donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Il y aura donc effectivement plusieurs portes d'entrée, au départ de différentes réalités, au départ de différents statuts, de différentes situations. Alors, après les exposés, qui se termineront tous par un certain nombre de pistes de propositions, de choses à débattre ou de propositions pour sortir effectivement de la situation ou des impasses que ça peut amener, eh bien vous aurez évidemment la possibilité de donner votre avis ou de poser un certain nombre de questions. Je ne vais pas en dire plus, je passe la parole à ma collègue Monique qui va vous présenter le déroulement de cette deuxième partie, si on considère que l'introduction c'est une première partie. En général on dit zéro, mais voilà, top, c'est parti. Donc voilà, nous avons une belle brochette d'intervenants et d'intervenantes, surtout. Voilà, donc en fait le principe c'est que vous avez vu sur votre programme, c'est Christine Mailly qui va commencer par prendre la parole. On vous propose en fait, comme Paul vient de le dire, que chaque intervenant ait un quart d'heure pour exposer son angle d'approche de la question de la composition de ménage et du statut de cohabitant, qu'il termine son intervention par quelques minutes les pistes qu'il propose. Pendant chaque intervention, mon collègue Guillaume prend note des propositions de pistes évoquées par les différents intervenants. Et nous reprendrons ces pistes pour la table ronde et donc nous débattrons davantage autour des pistes, de leur faisabilité et de la manière de les mettre en chantier. Alors, c'est peut-être un peu frustrant pour la salle, mais on propose qu'il n'y ait, comme il n'y a qu'un quart d'heure, 17 minutes par intervenant, qu'on n'intervienne pas après chaque intervenant, mais que les choses qu'il propose de mettre sur la table pour... en termes de revendications, qu'à ce moment-là, à la table ronde, vous ayez d'abord la parole et puis qu'après, ce soit les intervenants qui débattent entre eux et avec vous sur les pistes proposées. OK ? Comme ça, c'est clair, vous savez que vous aurez la parole vers 3h15. Ça va, hein ? 1h30, 1h20 sans prendre la parole. OK ? Voilà, donc je vais commencer par donner la parole à Christine Mailly, donc... tout le monde connaît, je suppose, donc qui est secrétaire générale et politique du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, qui, elle, en fait, va, je suppose, au départ de situations concrètes, va nous parler, en fait, de l'impact de ce statut de cohabitant sur les ménages les plus précaires et sur les taux qui se resserrent sur eux de plus en plus par des mesures coercitives et par des restrictions dans les... en tout cas dans les montants des allocations qui leur sont octroyées. Voilà. Voilà, merci. Merci de nous inviter pour participer à un débat crucial et important qui revient de façon épisodique sur la table de plus en plus. Et au niveau du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, en tout cas, le statut cohabitant est vraiment une question centrale et fondamentale qui apparaît à tout moment dans toutes les réunions que nous avons avec les témoins du vécu militant, les personnes... qui connaissent la pauvreté, l'exclusion, etc. Je dirais qu'il n'y a pas une fois ou une semaine où il y a un groupe de travail où des exemples évoqués par des personnes liées au statut cohabitant sont des exemples qui actent fortement à quel point ce statut appauvrit dans le portefeuille, à quel point ce statut appauvrit les solidarités intrafamiliales et les solidarités amicales, appauvrit la vie privée, je vais revenir dessus, hein, de façon extrêmement intense, appauvrit la considération que les appareils d'État ont vis-à-vis des personnes, puisqu'elles sont suspectes de tricher pour la survie à travers les différents dispositifs qui existent, et donc appauvrit la liberté et construit finalement une vie privée à part pour des gens, parce qu'ils sont... soumis et contraints à devoir vivre sur base d'allocations de chômage, de revenus d'intégration sociale ou la maladie, etc. Donc non seulement ces personnes sont soumises à des revenus plus bas que les autres et contraintes de devoir dépendre de la sécurité sociale ou de revenus d'intégration sociale, etc., compte tenu de leur état de santé, du fait qu'il n'y ait pas de travail, etc., mais elles sont surconditionnées par un statut qui les affecte à tous ces points de vue-là. Peut-être vous aurez entendu qu'au niveau du réseau, on défend que ces mécanismes-là, comme tous les mécanismes qui appauvrissent aujourd'hui, sont vraiment des violences infligées aux personnes, parce que aujourd'hui, ça atteint tous les champs de la vie individuelle, familiale, et amicale et collective que les gens traversent. Et donc, c'est un vrai problème. Alors, ça fait longtemps que le problème est sur la table, ça fait longtemps qu'il est énoncé, et étonnamment, le monde politique continue encore à regarder les personnes qui, par préoccupation de débrouille et de survie, c'est-à-dire des gens qui sont encore des hommes et des femmes debout, qui choisissent d'essayer de faire vivre leur famille ou de vivre eux-mêmes, qui vont éventuellement tricher à l'adresse domiciliaire, comme des tricheurs et des gens qui vident les caisses de l'État. Alors qu'il suffit de regarder la hauteur des allocations de base et ce que ça veut dire quand elles sont diminuées pour bien comprendre qu'il faudrait vraiment être idiot de croire qu'on pourrait s'enrichir en trichant de cette façon-là. Ce sont donc des comportements de survie et de débrouille qui sont parfois rendus indispensables dans la vie des ménages. Un État de droit démocratique devrait être un État qui regarde et écoute comment sa population vit et qui, s'il est questionné par le fait que les gens développent des pratiques comme celle-là, par rapport auxquelles ils ont une boule dans le ventre, parce qu'ils se demandent s'ils ne vont pas être contrôlés, s'ils ne vont pas être donnés par quelqu'un, hein, puisqu'on a organisé la délation aujourd'hui aussi dans cet État, parce qu'ils se demandent s'il n'y a pas une enveloppe du forum qui va se trouver à l'autre enveloppe, etc. Donc ce n'est pas du tout de gaieté de cœur qu'ils le font. Donc ce stress avec lequel ils doivent vivre et cette conscience du fait qu'il faut jouer avec les lignes, l'État devrait l'entendre comme quelque chose qui questionne les dispositifs législatifs, autant en termes de hauteur d'allocation qu'en termes de dispositif lui-même de cohabitant qui conduit à ces règles-là. On est loin du compte aujourd'hui puisqu'on voit s'additionner des couches successives de contrôle, des intrusions intensifiées dans la vie privée des gens. Hein. On a remis en place des visites domiciliaires. La visite domiciliaire dans la CPS a toujours existé sous des formes variables, hein, depuis la plus respectueuse jusqu'au moins respectueuse. Puisque aujourd'hui, ben vous le savez, il y a ce site fédéral qui invite à la délation, et vous le savez peut-être aussi, l'INAMI a mis beaucoup de zèle à construire un dispositif qui invite, sur base de délation ou de suspicion de l'INAMI, la police à aller voir dans les ménages des familles pour constater si il n'y a pas une fraude à la cohabitation, hein, dans des ménages, et qui, si elle estime que le rapport de police fait état que c'est le cas, intime aux mutuelles d'aller récupérer à effet rétroactif les sommes qui auraient été éventuellement perçues par les personnes. Alors, je ne vais pas tout mettre sous l'angle de la fraude, parce que moi, je n'appelle pas ça de la fraude, vous l'avez bien entendu, c'est du comportement de survie qui interroge les mécanismes de l'État. Mais pourquoi c'est important de le voir? C'est qu'on voit qu'on continue à ajouter les couches de dispositifs qui traquent, en quelque sorte, les personnes jusqu'à ce point-là. Et c'est d'ailleurs dénoncé par les mutuelles elles-mêmes que nous avons rencontrées en leur temps et qui disaient « Mais nous, on est mal à l'aise avec de la récupération effet rétroactif. On sait très bien que les ménages dans lesquels il faut aller récupérer sont des ménages qui sont dans la dèche jusqu'au cou, que l'on va appauvrir en allant chercher de l'argent et qui, en plus, passeront ben, dans le statut cohabitant pour la suite des prises en charge médicales, etc. » Donc, pour nous, c'est vraiment un statut de l'injustice totale, de l'appauvrissement total, et qui tue les solidarités. Et il faut y toucher absolument. Alors, ça touche évidemment au portefeuille, c'est ce que je disais, comment est-ce qu'on vit avec des allocations réduites, mais ça touche aussi en termes d'injustice de façon flagrante à des personnes qui, parce que les mécanismes d'État sont mis en place pour qu'elles puissent y recourir, hein, le chômage, le risque, etc., ben, ne sont plus perçus dans la société de la même façon que les autres. Exemple concret, trois jeunes qui travaillent décident d'habiter ensemble, ils ont un boulot, ils font des économies d'échelle en louant ensemble, ça va leur permettre peut-être de mettre de l'argent de côté, etc. Il ne vient dans l'idée à personne, et encore moins à l'État, de dire on va aller leur reprendre un morceau de leur salaire puisqu'ils se font des économies d'échelle. Et tant mieux que ça ne vienne à l'idée de personne puisque ils sont en train de développer des solutions constructives. J'irais même plus, aujourd'hui, compte tenu de l'accès au logement, compte tenu du coût du loyer, compte tenu du fait qu'il faut retourner vers une société plus collective, ils gagnent même en capital culturel, ces jeunes-là. On va dire, c'est bien, ils s'organisent en collectif, etc., etc. Hein? Mais trois chômeurs, hein, ou un bénéficiaire du RIS avec un travailleur, ou etc., hein, ou un malade avec un chômeur, etc., qui vont faire la même chose, paf, sanction, en partant de revenus nettement plus bas. Et eux, ils vont être vus sous l'angle, ben, évidemment qu'ils font des économies d'échelle, ça va de soi. Hein, pourquoi est-ce qu'eux ne feraient pas d'économies d'échelle, alors que pour les autres, c'est pas comme ça qu'on pense à la chose. Et donc, en quelque sorte, ils deviennent un énorme reproche d'être des usagers de la sécurité sociale ou de l'aide sociale, des CPS, puisque c'est parce qu'ils coûtent à cet endroit-là qu'on vient leur rechercher de l'argent, en se disant c'est les coups de pied au cul pour les faire bouger aussi. On peut imaginer qu'il y a tout ça comme idéologie derrière ça, et en se disant c'est quand même probablement un peu des traînes savates, et si on leur met des sanctions en plus et des difficultés en plus, ils vont se bouger davantage. C'est vraiment d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. Si encore on parlait d'allocation, on partait d'allocation de base nettement plus élevée, et qu'on se dise qu'on pourrait encore jouer dans une fourchette qui permettrait de considérer qu'il y a un peu d'économie d'échelle, on pourrait encore réfléchir, mais ce n'est pas le cas. Et on le sait, dans certains pays nordiques notamment, là où on maintient de façon le plus élevée les allocations de chômage, il n'y a pas que ça comme dispositif, mais entre autres, il y a beaucoup plus de dynamique, de capacité pour pouvoir se former, retrouver un autre emploi, etc. On sait, nous, qu'en sens inverse, plus on appauvrit, plus on assèche, plus les gens sont en difficulté, plus ils sont dans le repli sur eux-mêmes, plus ils perdent de confiance, plus ils doivent réduire d'autres droits essentiels pour se soigner, pour la mobilité, etc. Donc, c'est vraiment le tout mauvais dispositif. Mais c'est évidemment aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, le prix de l'amour, hein, comme on dit. Aujourd'hui, combien de personnes ne réfléchissent pas au fait de constituer un couple sous le même toit, d'abord sur base du calcul, que sur base du désir, de l'envie, de la satisfaction à tenter la chose, etc., etc. On en entend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Combien de personnes n'ont pas souhaité et réalisé ce fait de vivre ensemble, et puis à un moment donné disent... Je vais prendre un autre domicile parce que c'est plus possible comme ça, et on va essayer de vivre notre relation amoureuse de cette façon-là. Et pour combien, moi j'ai déjà eu plusieurs fois des témoignages, ça devient la rupture, parce que c'est très compliqué de vivre dans deux maisons différentes, hein, dans deux endroits différents, alors qu'on a le désir de former un couple, etc. Combien de ménages où, à 18 ans, il n'y a pas, un peu par la porte et par la fenêtre, le souhait de dire à un jeune, hein, 18-19 ans, écoute, essaye de trouver un autre logement ailleurs, parce qu'il faut qu'on garde nos allocations complètes, et puis toi, il faudra que, etc., etc. Hein? Combien de gens dans des amitiés, nous, on a des personnes dans notre équipe parmi les militants, décident d'habiter ensemble, et puis doivent faire le parcours du combattant, d'essayer d'user de subterfuges pour essayer de démontrer que, oui, ils ont bien chacun une vie privée à l'intérieur de la même maison, hein, en jouant sur des bouts de cuisine, sur des bouts de ceci, etc. Donc en développant une espèce d'ingénierie, hein, à stratégique pour se faire reconnaître comme individu isolé à l'intérieur de la même maison. Il serait quand même beaucoup plus intéressant que leur énergie soit consacrée à autre chose qu'à ça. Ils ont autre chose à faire dans la vie que de devoir tout le temps se poser la question comment est-ce qu'on va user d'intelligence pour essayer que l'État acte qu'on vit individuellement dans une maison et pas en cohabitant. Donc, en plus, ça touche à ces solidarités, ça touche à l'amour, ça touche à l'affection, ça touche au délitement familial, ça touche aux solidarités amicales. Et ça fait une déperdition de temps, d'énergie dans le quotidien des gens. Et tout ça, ça fait aussi beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de non-reconnaissance, beaucoup de débrouilles diverses, je le disais tout à l'heure. Et tout ça, ça atteint les gens dans leur vie quotidienne de façon profonde. Je dis toujours, moi, il y a une chance, et j'imagine qu'il y en a d'autres, et je l'espère, ça devrait être pour le plus grand nombre, je trouve qu'il y a une chance inestimable qu'on a dans sa vie quand on a l'occasion de ne pas devoir avoir recours à l'aide sociale, c'est-à-dire ne pas devoir aller demander le revenu d'intégration sociale ou autre chose dans le CPS. Je n'ai pas dit que c'était parce qu'on n'y travaillait pas bien qu'on n'était pas accueilli, je me dis pourquoi. Ou quand on ne doit pas être chômeur, ou quand on n'est pas malade, etc. Mais ça fait beaucoup de conditions, ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de tout ça. C'est l'énorme chance qu'il n'y a personne qui va venir au domicile de la personne regarder comment elle vit, avec qui elle vit, qui elle a dans son lit, qui elle n'a pas dans son lit, avec qui elle a vécu à un moment donné, s'il y a un enfant qui est dans la maison, etc. Aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel il y a deux vies privées. Et c'est scandaleux, ça. Il y a la vie privée de ceux qui, justement, devraient être soutenus dans une construction, reconstruction, puisqu'ils sont obligés et contraints de passer par des systèmes solidaires qui malheureusement deviennent de plus en plus contrôlants et excluants et éjecteurs de droits, plutôt que d'être constructifs de droits solidifiés et consolidants. Et puis, il y a la vie privée de ceux qui, ben, moi, je dis, voilà, moi, je trouve qu'un des énormes privilèges que j'ai dans la vie aujourd'hui, bon, c'est celui-là. C'est celui qui fait qu'il n'y a personne qui vient regarder comment je vis chez moi. Et tant que je pourrais protéger ça, je me considérerais extrêmement heureuse. Parce que quand je vois à quel point c'est violent pour les gens qui sont concernés par ça, quand je vois comment ils le racontent au réseau, quand je vois tous les exemples, il faut aller se battre et se défendre, etc., c'est terrible. C'est vraiment terrible et je pense que c'est gravissime une société qui évolue de plus en plus comme ça en deux champs. Alors, ajouter que, parce que tout est ajouté sous l'once du contrôle, hein, aujourd'hui sur les comptes en banque, et, etc. etc. Hein, donc on peut aller extrêmement loin aujourd'hui dans la manière dont on va se mêler de la vie des gens, notamment en lien avec ce statut de cohabitant. Ça dit tout de suite quelque chose aussi sur la liberté. Alors la liberté, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut. Mais la liberté, c'est quand même encore un droit à se réaliser dans la vie, dans des perspectives qu'on souhaite, dans un droit à ne pas tout dire de soi, un droit à se dire je vais faire un chemin qui va être chaotique par moment, ou bien je ne l'ai pas choisi ce chemin chaotique, mais je vais prendre une autre direction, etc. Or, cette sphère de liberté, ben, elle va avec la vie privée, donc elle s'étiole, elle se ratatine, et elle est de plus en plus difficile. Alors, pour terminer, par rapport à ça, et en termes de solutions, nous, on n'est pas des techniciens au réseau à la lutte contre la pauvreté. Mais ce qu'on peut dire, et moi, je pense que je peux prendre à témoin Marie-Claude qui est là, et David qui est à travers le RODH aussi, et d'autres, c'est... Moi, depuis que je suis au réseau à la lutte contre la pauvreté, je n'ai jamais entendu... Enfin, j'ai entendu plein d'autres choses, mais ça, je l'ai tout le temps entendu, tout le temps, et avec intensité, et toujours, et par les femmes, et par les jeunes, et en le dénonçant, et en se disant c'est insupportable. Donc il serait temps de s'y mettre et de poigner dedans. Alors on n'est pas des techniciens, donc moi, on n'a pas les solutions de comment ça devrait être organisé. Mais depuis le temps qu'il y a de nombreux acteurs qui dénoncent cet état de statut cohabitant, et donc qui abordent la question de l'individualisation des droits. Depuis le temps qu'il y a des acteurs qui disent « Oui, mais il faudra faire attention parce qu'il y a les droits dérivés. » Je ne vais pas en parler, il y en a d'autres qui en parleront, etc. Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait un groupe de techniciens, n'oublions pas éventuellement des témoins pour continuer à coller à la réalité, qui se saisissent de la chose, qui construisent les réponses, qui voient comment solutionner la question des droits dérivés, etc., pour foutre ce statut cohabitant à la poubelle, une fois pour toutes, et recréer de la liberté, de la libération. Alors, si encore c'était, puisque je disais le niveau des allocations n'est pas très élevé, mais on le sait aujourd'hui en plus, quelqu'un qui a des revenus aussi bas que le chômage, que le revenu d'intégration sociale, que la maladie à validité, etc., mais s'il est libéré du statut cohabitant, la différence financière qu'il va garder, parce qu'il ne va même pas gagner, hein, qu'il va garder aujourd'hui, mais elle part directement dans l'économie réelle, hein, puisque c'est simplement pour vivre un tout petit peu mieux ou un tout petit peu moins mal. Donc en plus, en termes de calcul économique macro, c'est vraiment une imbécilité de continuer à appauvrir les gens toujours plus. C'est vraiment une imbécilité, puisque c'est de l'argent qui ne retourne pas dans le circuit financier. C'est quand on devient très riche qu'on ne dépense plus, parce qu'à un moment donné, on a beau manger, on ne sait pas se goinfrer au point de continuer à aller chercher à manger, hein. Oui, il y en a bien qui dépensent sur un yacht ou n'importe quoi d'autre. Mais enfin, je veux dire, les besoins de base, voilà. Tandis que quand on part de très peu, les besoins de base, on ne peut que les améliorer un peu en plus. Donc, non seulement ça serait probablement bénéfique pour l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour que ça sorte, qu'on se mette au travail et qu'il y ait un lobby transversal suffisant pour faire sauter ce statut cohabitant? On ne dit pas, nous, que c'est la seule raison, c'est la seule manière de réduire la pauvreté. Mais honnêtement, quand on l'entend dans la vie des gens, pour toutes les raisons que je dis sur le plan du portefeuille, d'une liberté, de recouvrir des droits à la vie privée, etc., c'est quand même la première solution à prendre en compte, et c'est le premier levier à mettre en place. Et je termine simplement en disant qu'une fois j'étais dans un colloque, quand Philippe Mestat vivait encore, c'était un colloque sur la gratuité scolaire, ce n'était pas sur ceci. Enfin bref, on était en train de discuter, et il y avait des gens dans la salle qui, dans leurs questions, disaient « Oui, mais ce que vous dites, c'est compliqué à mettre en œuvre, et ceci, et les réseaux, et tchic et tchac, enfin, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Hein. » Et j'entends encore la réponse de Philippe Mestat qui dit « Écoutez, moi j'étais ministre du budget, j'étais ministre... » Bon, voilà, il a eu des très hautes fonctions, et il dit « des dispositifs difficiles à créer, quand on décide de vouloir les créer, on trouve les solutions et on peut les créer. Et on crée, ça c'est ma vision des choses, tous les jours hein, en termes législatifs, on travaille sur des dispositifs législatifs compliqués. J'en ai assez, moi personnellement, que quand c'est pour régler des questions de pauvreté, ça a l'air toujours plus difficile que pour tout le reste. Donc, à un moment donné, où on décide de poigner dedans, ou alors on invente un autre système, mais au moins éliminer celui-ci, ça pourrait aider véritablement. Voilà, voilà ce qu'on peut dire à partir de réseau. Voilà, merci Christine. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Defeyte, qu'on connaît soit comme président du CPAS, ancien président du CPAS de Namur, soit comme économiste et administrateur de l'Institut du Développement Durable. Et donc je pense qu'il a dû entendre l'appel de Christine à la création d'un groupe d'experts. Je suppose qu'il en ferait partie, hein, qu'il a déjà commencé déjà évidemment depuis longtemps à faire des études à ce sujet-là. Philippe va nous parler effectivement de en quoi certaines demandes sociales et de logement sont mal couvertes pour des publics en particulier, hein, donc les personnes seules, les jeunes, etc. Mais il va aussi mettre l'accent sur, pour lui, l'importance d'une individualisation des droits dans tous les domaines, sécurité sociale et aide sociale. Je résume bien, hein, c'est ça que tu vas nous parler ? Je vois. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Bon, entre nous, la cause de l'individualisation des droits sociaux, elle est acquise. Hein. Je veux dire, j'espère en tout cas. Sinon, vous avez bien fait de venir pour vous en convaincre. Il faut individualiser, et à toutes les raisons qui ont été dites, qui se trouvent dans les interventions des deux Christine, moi j'aimerais résumer les choses de la manière suivante. Il faut le faire pour des raisons philosophiques. Tout simplement, la liberté totale de pouvoir organiser sa vie comme on l'entend. Et pour répondre déjà un petit peu à la question de Christine, si nous avions des vrais libéraux dans ce pays, il y a longtemps que cette question serait réglée. Le problème, c'est qu'on n'a pas des vrais libéraux. Deux, pour des raisons d'équité, Christine l'a dit, la différence entre les ménages d'allocataires, pour faire simple, hein, et les ménages de personnes qui ont un revenu du travail, quel qu'il soit. Mais c'est encore plus compliqué que cela. C'est que vous avez de plus en plus de ménages qui ont plusieurs types de revenus et parfois plusieurs types de revenus dans le chef d'une même personne, pas seulement du ménage. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut une équité. Il n'y a pas de raison parce que tout d'un coup, un ménage où il y a deux salariés, par exemple, un des deux aurait en complément ou à la place de son salaire un revenu provenant de la solidarité collective, tout d'un coup, ce ménage devrait commencer à devoir rendre plus de comptes et à être contrôlé. Et puis, bien sûr, l'argument de la lutte contre la pauvreté, soyons bien clairs là-dessus, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, en tout cas, il ne s'agit pas de remplacer la solidarité collective, mais c'est ce qu'on appelle la solidarité courte. Les solidarités chaudes viennent à un complément et sont un complément indispensable. Pas seulement, d'ailleurs, pour des raisons financières, pour d'autres raisons, hein, qui sont aussi simplement le plaisir, l'immense joie, bonheur qu'on peut avoir de partager des choses et de construire des choses ensemble dans un ménage, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Je pense qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que le nombre de types de ménages est en train d'exploser. Ça devient de plus en plus hétérogène et il est donc difficile de garder cette vieille ressource d'unité économique ou d'autres approches utilisées par les juristes. Sur ce point important de lutte contre la pauvreté, j'aimerais simplement, et c'est détaillé dans la note qui se trouve dans votre farde, dire que si on veut lutter contre la pauvreté, c'est tout le système qu'il faut individualiser. Hein? Et ici, je ne vais pas me fâcher ou risquer de me fâcher avec l'un avec l'autre, avec l'une ou avec l'autre, mais je suis désolé de devoir rappeler que la plupart des modèles d'individualisation qui existent aujourd'hui s'arrêtent aux portes du CPS. Et s'arrêtent d'ailleurs aux portes de l'AGRAPA aussi, pour ce qui est des personnes âgées. Cela étant acquis, donc il faut individualiser, moi j'aimerais nous inviter à réussir à mettre en œuvre trois orientations. D'abord, je pense qu'on doit parler autrement au grand public. Désolé, le mot individualisation n'est pas compris et voire même parfois mal compris par beaucoup de personnes. Parce qu'il y a cette notion d'individu, d'égoïsme, alors que ce qu'on veut au contraire favoriser, c'est plutôt le rapprochement de personnes. Donc on a un travail pédagogique à faire, de communication. Je pense, je ne suis pas ici en train de faire du marketing, hein, ça, il y a des gens plus compétents que moi, mais moi je pense, moi maintenant, désormais, quand je suis appelé à intervenir sur ces questions-là, je parle de, c'est l'objectif qui doit être mis en avant. Et c'est quoi finalement l'objectif ? C'est de permettre à chacun, à chacune de mener sa vie avec qui il ou elle veut, sans perdre de l'argent ni être contrôlé, et moins encore être pénalisé en cas de nouvel emploi. Alors ça, ce n'est pas du marketing, c'est l'objectif. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Parce que l'individualisation, pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse. C'est plutôt des gens qui vont se racapoter sur leur propre individualité, leur propre égoïsme, leur propre revenu. Or, c'est au contraire cette notion de partage et de liberté, ces notions de partage et de liberté qui doivent être mises en évidence. Parenthèse, là aussi, je ne vais pas me fâcher, mais je ne comprends pas pourquoi à gauche, chez les progressistes, il y a une telle frilosité à aborder de front la question des pièges à l'emploi, donc du fait que dans certaines circonstances, les gens perdent de l'argent à aller travailler. Je ne comprends pas cette frilosité. Et on même jusqu'à nier le phénomène, j'ai entendu encore Thomas Lemaigre l'autre jour à la radio sur ce sujet, je pense qu'il y a un problème. Et ce n'est pas pour rien que je le mentionne maintenant, c'est parce qu'évidemment, une partie de l'origine du fait que les gens perdent de l'argent en allant travailler, c'est justement ces questions, ces règles de cohabitation, de taux ménage, etc. Deuxième chose qu'il nous faut réussir, c'est quelle individualisation ? Je l'ai dit, je le plaide, c'est l'objet de quelques-unes de mes notes, c'est pour tout le monde. Donc, on ne s'arrête pas à la porte des CPS. Hein. Je voulais juste dire ceci, dans la note, vous trouverez une petite estimation. Si on ne devait pas intégrer la question des revenus d'assistance dans l'individualisation, chaque année, il y a au moins 400 000 personnes dans ce pays qui vivent dans un ménage qui continuerait à subir des contrôles sur la vie privée et des sanctions financières. On n'est plus dans l'anecdote. Hein. Et ce sont précisément, par définition, les personnes les plus faibles de notre société. En tout cas, les plus précaires de notre société. Donc, est-ce qu'on garde, par exemple, le taux chef de ménage ? C'est une des questions. Il faut clarifier cela, y compris au niveau des régimes d'assistance. Et puis, je pense que nous devons faire un travail important, et c'est surtout là-dessus, parce que le reste, je pense qu'on partage largement, que je vais développer jusqu'au moment où j'aurai l'occasion de parler. Il faut remettre en cause les approches qui nous polluent intellectuellement et politiquement, l'approche de la manière dont on calcule le taux de pauvreté aujourd'hui. Je fais référence ici aux enquêtes SILC, qui sont les enquêtes qui sont faites chaque année et qui permettent de déterminer le taux de pauvreté et toute une série d'autres calculs. Rappelons d'abord, de ce point de vue-là, que le taux de pauvreté, contrairement à ce qu'on pense dans SILC, et nous faisons tous des erreurs de ce type-là, n'est pas un taux de pauvreté par personne. C'est un taux de pauvreté par ménage. Et quand on dit que le taux de pauvreté d'une personne seule est aujourd'hui de 1100 euros par mois, on ne peut pas tirer la conclusion que le taux de pauvreté pour deux adultes est de deux fois 1100 euros. Ce que nous aurions envie de faire dès lors que nous sommes partisans d'une individualisation des droits. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut, je pense, expliquer et raisonner à partir de là. Et parenthèse, si on devait aller vers d'autres formes de calcul, le seuil de pauvreté ne serait plus le même. À mon sens, il serait probablement plus élevé. Et on aurait un taux de pauvreté, à mon avis, plus important. Mais donc, l'enjeu, ne pensez pas ici que j'en fais un enjeu d'économiste en chambre. Réfléchir sur la manière dont on calibre nos esprits avec les enquêtes SILC, c'est une partie du débat. C'est une partie, ça nous prive d'outils pour mener à bien notre combat pour cette liberté totale et cette plus grande solidarité que nous souhaitons tous dans l'organisation de nos vies privées. On en vient alors à un élément important que je vais introduire de la manière suivante. Dans l'excellent article dans Marche du 4 octobre sur ces questions-là, on rappelle quelque chose que dit Verle Straubens, qui participait au colloque du Sénat sur cette question, je ne sais plus quand c'était, qui est quelqu'un qui travaille, je pense encore, au service de lutte contre la pauvreté, et qui dit « De toute façon, les économies de la cohabitation, ce que Christine rappelait tout à l'heure, les économies d'échelle, comme disent les économistes, sont surestimées. » Moi, je pense qu'on doit aborder cette question. On doit l'approfondir, parce qu'effectivement, c'est l'argument le plus fort et en même temps le plus malhonnête. Parce que, comme l'a très bien dit Christine, c'est un argument qu'on n'adresse plus à ceux qui sont salariés ou qui ne vivent que de revenus du travail. Ceux-là peuvent organiser les choses et engranger, à juste titre. Mais les personnes pauvres, quelle est l'ampleur? Et alors, quand on réfléchit bien à la question, c'est quand même absolument affolant comment nous organisons un débat sur le taux de pauvreté avec des clés qui remontent à la fin du 19e siècle. Vous imaginez? Et la preuve en est, je transmettrai bien volontiers cet extrait à qui le souhaite. C'est un extrait d'un texte, d'un rapport parlementaire de 1900 sur la réforme de la bienfaisance en Belgique. Et je ne vais pas lire ça intégralement, rassurez-vous. En gros, l'extrait dit ceci, c'est que si une personne seule a besoin de 100 pour vivre, dès lors qu'elle vit en ménage, elle n'aurait plus besoin que de 1,5. À cause de ses rendements d'échelle. Eh bien, cette clé qui se trouve dans un rapport de 1900 est encore utilisée aujourd'hui de manière absolument non fondée. C'est à partir de cette clé qu'on calcule toute une série de mécanismes de redistribution des revenus. C'est par exemple à partir de cette clé qu'on estime que les écarts entre les hauts et les bas revenus en Belgique n'a pas bougé. Je ne dis pas qu'elle bougerait avec une autre clé, mais on est en train de construire une réflexion, je le dis comme je le pense, de nous polluer intellectuellement avec des clés qui n'ont plus été remises en cause depuis plus de 100 ans. Eh bien, nous, progressistes, nous devons avoir le courage de mener à bien ce travail, d'exiger que ce travail soit fait. Parce qu'évidemment, les structures de consommation ont bougé, c'est sûr. Et il faut d'abord le faire pour les petits revenus. C'est ce que je dis souvent, quand un célibataire avec beaucoup d'argent se marie et a des enfants, et qu'à cause de ça, il doit réduire ses vacances d'hiver d'une semaine, je ne pense pas que les économies d'échelle, dans ce cas-là, ont beaucoup d'importance. Mais pour les petits ménages, les ménages à petits revenus, évidemment que la question de savoir quels sont les postes sur lesquels on peut économiser, qu'est-ce que ça implique sur le loyer, qu'est-ce que ça implique sur l'augmentation du loyer social. Voilà, par exemple, une belle application de cet exercice que nous devons faire pour nous réapproprier cette question. Mais la raison principale pour laquelle je souhaite que nous nous attaquions à cette question et que nous exigeons de l'UEPS ou d'autres institutions qu'elle adresse cette question, qu'elle approfondisse cette question, c'est que mon intuition profonde, c'est un peu plus qu'une intuition, mais voilà, c'est que en fait, nous pouvons réussir, et ça répond alors en partie à la question de Christine, une véritable individualisation pour tous, qui soit budgétairement tenable, qui soit aussi, qui tienne compte des évolutions sociologiques, en particulier de ce qui se passe dans les ménages les plus précaires. Le modèle qu'on peut construire à partir d'une connaissance sérieuse de ce seront ou pas les économies d'échelle, c'est un modèle qui doit se baser sur deux pieds. Une individualisation de toutes les prestations sociales et une allocation loyer, plus ou moins complémentaire, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je pense être le chemin à faire. Je voudrais, pour terminer, vous convaincre que ceci n'est pas un débat de techniciens. Ce n'est pas un débat non plus pour occuper les militants, alors que d'autres questions importantes. Elle est au cœur du débat. Nous devons avoir le courage de voir ce qui se passe pour, à partir de là, construire un système différent dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. vais passer maintenant la parole à Christine Stenbach, qui est l'ancienne présidente des équipes populaires et qui est maintenant directrice de la Fondation Travail Université, qui, elle, va plutôt nous parler de la question de la composition du ménage et son impact en matière de logement, en particulier depuis la régionalisation du bail et du nouveau pacte de colocation. Mais elle a un propos beaucoup plus large que ça, mais elle va vous en parler. Voilà, merci de m'avoir invitée. Alors, je vais à bien des égards certainement revenir à ma manière et avec les constats que je fais sur des choses que tant Christine que Philippe ont dit et peut-être tenter de rentrer un peu par l'anecdote parce que, puisque j'ai travaillé longtemps aux équipes populaires, on a développé dans le mouvement une campagne d'assez long terme sur la question de la régulation des loyers. Ce qui nous a amené à nous intéresser aux questions de logement. On est loin d'être les seuls à avoir fait, mais il y a certainement une chose que nous avons écrite et redite à chaque fois qu'on a eu l'occasion, c'est que le logement, c'est le socle. C'est le point de départ à partir duquel, si on peut se poser un peu là, ben on peut déployer les autres dimensions de la vie. Et comme Christine l'a dit, et c'est quelque chose qui me frappe, quel que soit le type de témoignage qu'on ait pu relever, ce socle est fragilisé, non seulement parce que on n'est pas forcément dans les capacités d'y rester 10 ans, donc il y a une mouvance dans la manière d'habiter, mais aussi parce qu'il est de plus en plus l'objet d'intrusions. Et que donc le droit à l'intimité, en fait, est d'autant plus fragilisé que vous êtes dans une forme de précarité. C'était une première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que... qui aujourd'hui, dans notre entourage, n'est pas dans une situation où la question de « est-ce que la manière dont j'habite ne va pas peser sur mes droits ?» ne se pose pas. Je me suis dit, moi qui ai la chance d'être dans un contrat à durée indéterminée depuis des années, et donc d'avoir une vie qui n'est pas particulièrement dansy et folklorique, si je regarde dans mon entourage proche, dans l'immeuble où je loue, ou dans mon milieu de travail, je peux citer sans la moindre difficulté une dizaine de situations qui ne sont pas tranquilles, qui ne permettent pas de vivre dans son logement en se disant « je suis chez moi, et je ne vais pas avoir demain une inspection et je ne vais pas me poser de questions sur la manière dont je veux vivre ». C'est Sophie qui a une trentaine d'années, qui a un contrat à durée indéterminée, mais elle est en train de se demander si elle va louer avec son copain qui, lui, un contrat de remplacement et donc dans quelques mois va se trouver dans la situation où il risque d'être traité comme un cohabitant. Et donc elle n'envisage pas sa nouvelle vie de couple avec sérénité. Ma voisine d'en bas, à 48 ans, une fois que sa fille était partie, a osé se tirer d'une situation conjugale qui était empreinte de violence. Elle vit au rez-de-chaussée et elle panique encore chaque fois que la sonnette sonne. Et quand elle a réhébergé sa fille qui avait perdu son emploi, eh bien le stress a monté, tu l'as dit aussi, mais je l'ai vécu en direct, parce qu'on se demandait est-ce que ça va être une inspection, est-ce que je vais garder mon droit, etc. Antoine s'est trouvé parent hébergeur après une séparation, mais il n'était pas le chef de ménage, en tout cas pas reconnu comme tel. Ça n'empêche pas qu'il a dû trouver en urgence un logement où lui pouvait se loger et où il pouvait accueillir de temps en temps ses enfants. Et où il s'est demandé, par rapport à mes allocations familiales, quel va être exactement mon statut, à quoi est-ce que je vais avoir droit. C'est Andrzej qui, pendant des années, a été dans un chantier. Il est polonais, il a mis 10 ans à pouvoir avoir sa carte d'identité, à pouvoir ouvrir un compte en banque. Et pendant ce temps-là, son employeur en a fait son associé, donc il est un indépendant contraint. Il n'a pas de droit s'il tombe de l'échelle. Il n'a jamais eu son salaire à plein parce que comme il n'avait pas de compte en banque, puisqu'il n'avait pas de carte d'identité, il vivait avec ce que son employeur lui donnait quand il savait lui donner. Et pendant 3 ans, il a vécu en Anderlecht, dans 45 mètres carrés, avec un colocataire intermittent et payait 510 euros par mois. Situation d'abus total. Situation d'habitat total que mon voisin du deuxième étage, qui s'appelle Victor, connaît très bien aussi parce que lui, il est livreur chez Uber. S'il se casse la gueule avec son vélo, comme il est indépendant contraint aussi, comme il n'y a rien qui a été prévu en termes de droit du travail, il se retrouvera dans la même situation. Et j'entends souvent claquer fort la porte 11 heures du soir, parce que c'est à ce moment-là que son boulot commence. Donc ce sont des personnes qui, en fait, ont un travail, ont une situation, mais elle est mouvante. Elle n'est pas évidente. Elle est pleine d'inconnus et elle ne leur permet pas de vivre tranquillement chez eux en pouvant se poser dans le long terme. On a aujourd'hui des façons de faire famille qui ont beaucoup changé et qui sont diversifiées, qui sont mouvantes. On a des façons d'habiter qui sont mouvantes et qui sont changeantes. Et le document administratif qui vous permet d'ouvrir la possibilité d'avoir accès à des droits sociaux, qui vous oblige à d'abord avoir, être inscrit au registre de la population et puis aller pouvoir demander ce certificat de composition de ménage, ne sait pas refléter cette et ne sait pas prendre en compte cette diversité. Et j'insiste sur le mot de mouvance parce que je trouve que c'est un des gros changements par rapport à peut-être deux générations qui ont précédé. Il traverse pas mal de situations de personnes. C'est que nos statuts ne sont pas nécessairement les mêmes pendant 10 ans. Alors c'est plus ou moins vrai selon qu'il est déjà fragilisé, c'est-à-dire que si vous avez perdu votre emploi, vous allez peut-être un jour perdre votre droit à l'allocation de chômage, vous retrouvez demandeur d'un revenu d'intégration sociale, puis entrer dans un article 60, récupérer peut-être vos droits au chômage, puis faire un intérim, puis reperdre votre droit au chômage, etc. Et donc, comment est-ce que les documents administratifs qui vous permettent d'avoir, par exemple, une réduction dans les transports vont tenir compte de ça? On n'arrive pas à suivre. Donc c'est pour ça que je trouve que cette notion de mouvance est importante, mais j'insiste sur le fait qu'elle traverse de plus en plus la population. Philippe disait 400 000 ménages qui potentiellement peuvent se retrouver demain avec... Pardon, on ne sait plus très bien en fait. Mais qui peuvent demain se dire, mon logement, l'endroit où j'habite, ce n'est plus un lieu véritablement d'intimité et un endroit pour se reposer. Demain, sur base d'un changement de statut, ou parce que j'ai besoin de faire appel à un droit, ou parce qu'il y a une délation qui s'est faite, ben je peux avoir une inspection. Et alors, l'autre gros problème, c'est qu'en fait, l'interprétation que peuvent faire les différentes institutions de la manière dont vous habitez, et donc à quel type de droit ça ouvre, est extrêmement variable. Quand vous voulez vous installer quelque part, c'est l'inspecteur du quartier, l'inspecteur de police du quartier, qui va venir vérifier que c'est bien là que vous avez votre résidence principale pour que vous puissiez vous inscrire au registre de la population. Bien, très souvent, si ce sont par exemple 4 jeunes gens qui ont décidé de louer ensemble un immeuble dans lequel ils partagent des espaces communs et des espaces privés, bien, il arrive très souvent que l'inspecteur se dise « 4 personnes à la même adresse ». Ça fait un ménage. Et c'est ça l'information qu'il rentre auprès de la commune. La façon dont le CPS de cette commune ou le CPS de la commune d'à côté va interpréter cette situation de vie peut varier. La façon dont l'ONEM va l'interpréter va varier par rapport à la manière dont la CPS ou l'inspecteur de quartier le comprend. Nous avons donc affaire aussi à des institutions sociales qui ne se parlent pas et n'organisent pas de cohérence dans la manière dont on interprète les façons dont les personnes vivent. Et donc c'est encore une complexité supplémentaire pour les personnes qui doivent défendre leurs droits. Et donc bien souvent, c'est la justice, et il faut aller en justice pour pouvoir trancher. Il y a normalement une vision administrative du ménage, ce qu'on appelle ménage de fait ou situation de fait de ménage, qui dit qu'on considère comme un ménage les personnes qui règlent principalement en commun l'ensemble des choses qui font partie du ménage. Donc à la fois les frais que vous partagez ou non, les ressources que vous mettez en commun ou non, c'est aussi le fait de partager les tâches ménagères. Normalement, un ménage suppose un partage des tâches, ce qui fera rigoler certaines personnes qui sont mariées depuis longtemps. Donc on peut recommencer avant le 19e siècle pour savoir si on est bien dans les règles. Et donc, si vous allez en justice pour défendre, je vais reprendre mon exemple des 4 jeunes gens qui se sont mis ensemble et à qui l'inspecteur, enfin, ou dont l'inspecteur a interprété le fait que, puisqu'ils étaient tous à la même adresse, bah, c'est qu'ils composaient un ménage et qui vont dire ben non, on n'est pas des cohabitants, partageons tout sous prétexte que nous collouons. S'ils vont en justice, ils vont peut-être pouvoir se faire entendre. Parce que la justice, elle va regarder, mais alors elle va regarder de manière intrusive aussi. Elle va regarder au détail comment vous partagez les espaces privés et communs, si chacun a bien la clé de son espace privé, si on partage plus qu'une toilette ou pas, si on partage des frais de loyer, mais aussi des frais d'habillement et de nourriture. Elle considère que si on partage juste le loyer, ben, vous n'êtes pas forcément pour autant dans une situation de ménage de fait, donc c'est intéressant. Mais vous voyez que ça va vraiment dans le détail. On a eu le cas d'une maman qui avait hébergé son fils majeur. Les deux ne s'entendaient pas. Donc c'était un cas de solidarité minimale où elle lui avait permis de loger chez lui, mais il ne partageait pas les frais. Il ne décidait pas en commun des repas. Chacun avait un maximum d'autonomie. Simplement, ils vivaient ensemble. Et la cour a décidé qu'ils avaient tous les deux droit au statut d'isolé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de choses qui étaient partagées pour qu'on puisse vraiment parler d'un ménage. Mais ça veut dire que dans une situation où on doit parfois, par exemple, gérer le fait qu'on vient en urgence de quitter le foyer, qu'on est passé par un logement de transit, qu'on a finalement trouvé peut-être un endroit où vivre pendant un an avant de pouvoir peut-être revenir dans sa ville d'origine et retrouver des liens familiaux qu'on a perdus en cours de route, on va devoir aussi se battre en justice pour défendre ses droits. Ça, c'est la réalité d'énormément de personnes, parce qu'il y a cette difficulté à aller au-delà du statut administratif et à se parler aussi entre institutions. Alors, je voudrais juste prendre un exemple où on a imaginé que peut-être il y avait au niveau du logement la possibilité, tenant compte de la façon dont la jurisprudence a essayé de considérer ce qui est de l'ordre de cohabitants ou de personnes qui sont simplement colocataires, de faire un peu avancer une reconnaissance des situations. C'est l'idée d'introduire un régime spécifique de bail qui donnerait plus d'assises juridiques au phénomène de la colocation qui, dans les faits, connaît un succès croissant, en particulier dans les centres urbains. On estime qu'à Bruxelles, il y a au moins 7% de locations qui sont en réalité des colocations. Et donc ça a fait débat à l'époque où on a transféré les compétences, une série de compétences, notamment autour du bail d'habitation, au niveau des régions. On s'est dit, tiens, est-ce qu'à côté du bail classique d'habitation, on ne pourrait pas donner une meilleure assise juridique à toutes ces formes de colocation, de telle sorte qu'il soit plus facile aux personnes de faire reconnaître que quand elles sont ensemble signées un bail, elles ne sont pas pour autant un ménage qui partage ensemble des ressources. Avec le problème qu'en réalité, on a introduit ce régime de manière obligatoire. On a assorti ce bail d'un document qu'on a appelé un pacte de colocation, mais de manière obligatoire aussi. Et ce pacte, qu'est-ce que c'est? C'est un document que les colocataires sont tenus de remplir et qui précise ce que vous partagez et ce que vous ne partagez pas. Ça veut dire aussi que pour que ce document vous soit utile, si à un moment vous devez vous battre pour défendre vos droits, ou le plein statut, disons, vous avez intérêt à être subtil et intelligent pour le remplir, et vous allez devoir le re-remplir à chaque fois qu'il y a un colocataire qui part. Parce qu'une fois de plus, on a essayé de résoudre d'une manière très formaliste une situation qui est en général assez mouvante. Dans les pratiques de colocation, les gens y vont, ils viennent. On peut rentrer à quatre, ne se connaissant pas, puis au bout d'un moment, il y en a un qui part, il est remplacé par un autre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra re-signer le bail, il faudra re-remplir le pacte de colocation, dans les détails, pour s'assurer qu'on a bien fait le tour de tout, depuis l'inventaire de ce que vous possédez jusqu'à la manière dont vous partagez les repas de cuisine. Et donc, ce formaliste, une fois de plus, illustre la façon dont nous avons l'habitude de construire des lasagnes supplémentaires administratives qui compliquent finalement encore davantage la vie des gens, plutôt que d'essayer, ce qui serait sans doute une des pistes à suivre, à obliger un peu moins à utiliser des documents administratifs en lien avec la façon dont vous habitez pour pouvoir vous permettre de défendre vos droits. Mais ça suppose une vision totalement différente, en fait, et qui font passer le droit de pouvoir vivre décemment avant le fait de vérifier que vous n'avez pas éventuellement pris un franc supplémentaire que ce qui vous était autorisé. Je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que j'ai peur de dépasser. Je voudrais juste ajouter une petite chose, mais on y reviendra sans doute dans les pistes. Je suis dans les temps, c'est super. Je voudrais ajouter deux choses alors, en espérant pas trop tricher. puisqu'on est dans, j'étais un peu plus chargée de regarder à partir de l'angle du logement, une chose qui nous a énormément saisie quand même quand le décret bail wallon est sorti, et il est en vigueur depuis septembre, donc c'est quelque chose de tout à fait récent, l'ordonnance bruxelloise date de janvier, c'est qu'on a donné l'attitude aux bailleurs de pouvoir exiger du candidat locataire un certificat de composition de ménage. Autrement dit, on a assis encore davantage, et auprès d'un autre acteur du logement, le droit de pouvoir faire intrusion dans des données qui concernent votre vie privée avant de pouvoir vous octroyer un logement ou pas, enfin le droit de vous loger quelque part ou pas. Et donc, un, effectivement, quelle protection de la vie privée ? Il est normal que le bailleur sache combien de personnes occupent le logement qu'il va louer, ne serait-ce que pour ne pas se retrouver en situation de surpeuplement, par exemple. Mais entre la question de la composition du ménage et le document officiel de composition de ménage, il y a un espace. La composition de ménage est un certificat qui donne beaucoup plus d'indications que ce que le bailleur n'a besoin de savoir, avec des risques de discrimination. Il n'a pas besoin de savoir que les deux messieurs qui louent chez lui et qui signent chacun un bail sont éventuellement mariés, parce qu'il pourrait être tenté de le refuser. Je ne dis pas que tous les bailleurs le font, mais je veux dire, vous voyez le risque qui peut être amené en termes de discrimination. Et même en amont de ça, c'est tout de même bizarre, un bailleur va demander à un candidat locataire quelle est sa situation, alors même qu'elle est peut-être en train de changer. Ce certificat, il est obsolète. Il y a beaucoup de chances qu'en fait, le monsieur ou la dame est en train de quitter une situation pour entrer dans une autre. Il ne va peut-être pas emménager avec la même personne avec laquelle il vivait avant. C'est peut-être un jeune qui emménage seul pour la première fois. C'est peut-être une personne sans abri qui, pour la première fois, va entrer dans un logement de manière un peu plus stable. Cette composition de ménage, elle est déjà dépassée. On est vraiment dans ce problème de case administrative qui doit donner de la sécurité, dans ce cas-ci c'est même à la partie la plus forte de la relation locative, et qui, au risque de négliger finalement les droits de la partie plus faible. Donc voilà une forme d'aberration sur laquelle je pense qu'il faut travailler. Et la deuxième remarque que je voulais faire, et puis je suppose que dans les pistes on y reviendra, c'est on chipote beaucoup sur le fait que, on l'a déjà dit, hein, qu'un isolé est 3 sous de plus qu'un cohabitant ou moins, ou en tout cas que 2 personnes ensemble n'ont peut-être pas, comment dire, pourraient avoir éventuellement 3 en étant 2 isolés ensemble. Alors qu'une des plus grosses injustices qui existent, en tout cas dans le domaine de la location, c'est le fait que certains peuvent entrer dans un logement social et avoir un loyer qui est adapté à leur loyer, à leur revenu, pardon, alors que d'autres ne le peuvent pas. Et qu'on est en train d'opérer là une division totalement inutile entre des personnes qui ont juste ou plus ou moins la tête hors de l'eau, et que le loyer est quand même dans la plupart des cas, à moins que vous ayez eu la chance de pouvoir finir de payer votre crédit hypothécaire, la charge la plus lourde de votre budget. Et donc, parallèlement à la question de l'amélioration de l'accès aux droits, il y a d'autres formes d'injustice en termes de dépenses qui doivent pouvoir être travaillées aussi. Je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Oui, donc maintenant, on va écouter Soizic Dubeau, qui est coordinatrice nationale à Vie féminine, qui va nous parler principalement de l'impact de la composition de ménage en matière de pension et des inégalités de genre que ça entraîne évidemment dans les droits dérivés. Merci. Donc voilà, moi je vais vraiment m'attarder au champ des pensions, qui est peut-être le moins connu, en tout cas que celui du statut de cohabitant en chômage, en CPAS, parce que bien souvent on y pense plus tard, c'est pour plus tard, mais non, en fait, c'est pas pour plus tard, et parce que c'est ancré dans ce qu'on vit, évidemment, les pensions, c'est ce qu'on vit avant qui les détermine, et mais bien souvent, c'est vrai, on s'en aperçoit trop tard. Alors, comment ça intervient la composition de ménage, ou plus largement, le fait de vivre avec d'autres personnes dans le champ des pensions ? Alors, dans le champ des pensions, c'est extrêmement restreint, c'est... un mot, vous pouvez retenir un mot, ça se résume au mariage. Donc c'est le mariage qui compte, et c'est différent dans les autres branches de la sécurité sociale. C'est le mariage qui compte, Et comment le mariage compte-t-il ? Alors oui, quand je dis mariage, c'est bien mariage légal. Donc ça veut dire pas cohabitation légale, pas, et encore moins cohabitation de fait. On est bien sur le mariage officiel, le reconnu ici en Belgique. Comment ça compte dans les pensions ? Ben, ça, du fait du mariage, il va y avoir des droits, des allocations supplémentaires qui vont être accordées sans qu'il y ait eu des cotisations supplémentaires payées. C'est un truc un peu bizarre dans le système de la sécurité sociale où on cotise, on s'ouvre des droits et ensuite, quand un risque arrive, on reçoit une allocation. Ben là, dans le système des pensions, il y a le mariage qui rentre en ligne de compte et c'est ce qu'on appelle les droits dérivés. Alors je vais vous présenter qu'est-ce que ça donne concrètement les droits dérivés, qu'est-ce que c'est. Il y en a trois principalement. Le premier, c'est la pension à taux ménage. Je ne sais pas si ça évoque des choses pour certains, certaines, quelques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pension à taux ménage ? La pension à taux ménage, c'est, voilà, moi je suis pensionnée, je suis mariée avec une autre personne, et ma pension, la mienne, elle va être augmentée, je vais toucher plus. En fait, elle va être calculée sur une base de 75%, au lieu de 60%, donc les pensions, c'est calculé en fonction des salaires qu'on a gagnés précédemment, et c'est un pourcentage des salaires. Donc je vais en fait toucher plus. Pourquoi et dans quelle situation ? Si je vis avec une autre personne et que je suis mariée, hein, vous vous souvenez, mariage, et que cette personne, la condition, c'est que cette personne n'ait pas de pension du tout, si elle a zéro de pension, bah alors la mienne, elle va être augmentée, ou si cette personne, elle a une toute petite pension. Et alors sa pension à elle, de cette deuxième personne, elle va disparaître. Et la mienne, elle va augmenter. Et alors, la règle de calcul pour ça, c'est qu'on va prendre... oui, d'habitude, je fais avec les deux mains. la règle... Non, c'est bon. La règle de calcul, c'est qu'on va prendre les deux pensions séparées. On va les ajouter. On va voir à quel montant on arrive. Et puis, on va prendre la plus haute pension, on va la calculer sur 75% au lieu de 60%, et on va voir quelle situation est la plus avantageuse, a priori. Et donc, si c'est la pension la plus élevée augmentée, alors c'est celle-ci qui va être attribuée. Et donc, c'est cette pension à taux ménage qui va être attribuée, et l'autre pension qui va disparaître. Et ça, c'est une règle qui se fait... Le calcul se fait automatiquement. C'est l'ONP qui prend ça en charge. Donc, voilà. Si on veut le changer, ben c'est plus difficile. Il faut faire des démarches, pour ça. Et alors, qu'est-ce que ça représente ? Ben, dans les faits, si on se pose la question homme-femme, je pense que ça ne va pas trop vous surprendre. Si vous avez entendu les inégalités qu'il doit y avoir une petite pension, une grande pension... Ben, dans 99%, je pense que c'est derrière moi ici, 99% des cas, ben ça va être des pensions d'hommes qui vont être augmentées. Alors pourquoi ? C'est pas parce que ce sont des hommes, hein, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait des grands écarts de pensions. Et qui va se retrouver principalement dans des petites pensions ? Ben les personnes qui ont travaillé sur des petits contrats, des petites carrières, qui ont arrêté un moment pour s'occuper des enfants ou qui ont commencé tardivement quand les enfants étaient grands, qui ont travaillé à temps partiel avec des petits salaires, tandis que l'autre personne dans le couple pouvait faire une carrière un petit peu plus complète. Donc c'est là qui devrait être normal en tout cas. C'est la logique derrière. Alors le deuxième droit dérivé, c'est la pension de survie et l'allocation de transition. Donc là, ce qu'il y a derrière la condition, c'est en cas de décès d'une des deux personnes du couple marié. Et il faut qu'il y ait le décès d'une personne et que les deux aient été mariés pendant au moins un an. Et un an, ça suffit. Donc, au moment du décès. Oui. Donc oui, il y a peut-être des calculs à faire dans les plans de vie, mais ça, c'est pas mon sujet. Donc, alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? Ben, ça va être calculé, on va calculer, c'est encore une pension qui est calculée sur la base de la carrière du conjoint ou de la conjointe décédée. Et ça va se faire selon l'âge de la personne survivante, en fait. Donc il y a deux types d'allocations, c'est soit la pension de survie, soit l'allocation de transition. Donc selon l'âge qu'on a, ça va déterminer à quoi on a droit si on rentre bien dans les conditions. Si, à l'heure actuelle, en 2018, j'ai 46 ans et demi quand mon conjoint ou ma conjointe décède ou plus, je peux avoir droit, éventuellement, à une pension de survie. Si j'ai moins, j'aurai droit, possiblement, à une allocation de transition. Donc ça, c'est une différence qui a été introduite assez récemment. Et qu'est-ce que ça change ? C'est pas tout à fait la même chose, en fait, les deux. Parce que la pension de survie, ça veut dire que je vais avoir droit à la pension. Mon conjoint s'est ouvert des droits, parce qu'il a cotisé, il a travaillé, il s'est ouvert des droits. Malheureusement, accident, il décède. Et je vais pouvoir, moi, récupérer quelque part ses droits. Donc, récupérer ses droits, mais sous réserve. Je ne pourrais pas cumuler ça, cette pension de survie. Je ne peux pas l'ajouter si je travaille et que j'ai un salaire à moi. Ça ne marchera pas. Si j'ai des allocations, il y a certaines limites, certaines allocations, oui, et ce sera limité. Mais globalement, ça va être plutôt pour des personnes qui ne travaillent pas ou qui ont des situations extrêmement, extrêmement précaires là derrière. Et par contre, quand j'ai cette pension de survie, tant que je reste dans les conditions, ben, je peux y avoir droit. Donc ce n'est pas limité dans le temps a priori, c'est conditionné. Par contre, si à un moment je me mets à trouver un travail, voilà, je perds ma pension de survie. Donc il y a des règles comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces règles. L'allocation de transition, donc si j'ai moins de 46 ans et demi, je vais pouvoir avoir droit à une allocation de transition pendant, elle est limitée dans le temps, donc c'est 12 mois ou 24 mois. 24 mois, c'est si j'ai des enfants à charge pour lesquels je touche des allocations familiales. Et cette allocation de transition, donc elle est limitée dans le temps, mais elle est cumulable avec d'autres revenus. Donc elle est valable pour tout le monde. C'est pas juste si j'ai pas de revenus et c'est une protection que j'ai. Là, c'est un peu une autre logique derrière, puisque même si je suis à l'emploi et que j'ai un salaire correct, ben je vais avoir droit à cette allocation de transition. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même chose derrière. Donc voilà, et avec, oui, j'ai mis 46 ans et demi comme un âge un peu bizarre, comme limite entre les deux, parce que, en fait, c'est en train d'évoluer, en fait. C'était 45 ans, et c'est en train d'augmenter jusqu'à 50 ans, donc en augmentant chaque année d'une demi-année. Donc en 2019, ce sera 47, et puis etc., etc., etc. Donc voilà pour la pension de survie. Pareil, si on se pose la question, bah tiens, qui est-ce qu'on trouve qui a une pension de survie aujourd'hui, ou une allocation de transition? Bah, pension de survie, vous avez entendu que c'était pareil, c'était lié à des différences élevées de revenus. Donc quand on regarde les pourcentages, qui sont à nouveau là derrière, non, qui sont hors écran, donc je vais vous les donner, pour, voilà, qui sont là, pour la pension de survie, c'est à 98% des femmes qui vont être des survivantes dans les conditions de recevoir cette pension, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de revenus. Peut-être qu'elles étaient à un emploi, mais un petit emploi précaire, et pour elles, c'est plus avantageux à ce moment-là d'abandonner leur emploi pour toucher la pension de survie, parce que leur conjoint avait suffisamment de droits là-derrière. Donc il y a aussi ces choix hein, là-derrière, ces choix qui sont un peu des choix faussés, parce que c'est entre avoir un peu plus d'argent, avoir un peu moins, perdre peut-être un emploi qui nous donnait quand même des contacts. On est là-dedans, quoi. Donc c'est ce qui est révélateur derrière ces droits. Donc c'est intéressant de creuser aussi ces aspects hommes-femmes. Et le troisième et dernier droit dérivé en matière de pension, c'est la pension de retraite pour conjoint ou conjointe divorcée. Donc oui, à chaque fois, je mets des chiffres hommes-femmes pour voir. Quand on parle de mariage, c'est aussi le mariage entre personnes de même sexe. Hein. Donc ça peut se jouer, même si ça reste extrêmement minoritaire après dans les statistiques. Mais évidemment, ça se joue aussi à ce niveau-là. Donc la pension de retraite pour conjoint ou conjointe divorcée, alors là... Donc la pension de survie, ça peut arriver avant l'âge de la pension. C'est piège hein, aussi. Les termes, ils sont vraiment pièges. La pension de retraite pour conjoint ou conjointe divorcée, c'est quand on arrive à l'âge de la pension de retraite, donc à 65 ans, là aussi en augmentation. Qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive à ma retraite, j'ai divorcé par le passé et je ne me suis pas remariée. Ça, c'est la condition qu'il faut avoir pour y avoir droit. Je peux avoir, sur certaines conditions, c'est toujours très compliqué, la législation, et ça, ça fait partie du problème lui-même, parce qu'il faut se repérer dans ces situations et qui changent en plus d'un lieu à l'autre. Donc, si j'ai été mariée à un moment avec une personne qui travaillait dans cette période, et soit moi, je ne travaillais pas du tout, j'étais par exemple femme au foyer, ou je travaillais mais un tout petit peu, ben, je peux avoir, quand j'arrive à ma pension de retraite, pour la période de mariage, on a été mariés 5 ans, pendant 5 ans, je ne travaillais pas, ben, je vais pouvoir bénéficier du même montant que sa pension pour ces 5 années. Je vais pouvoir avoir droit, donc un peu, hop, récupérer cette pension. C'est juste pendant les années de mariage. Mon ex, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Bah, conserve sa pension pour ses 5 années de mariage, identique, hein, elle n'est pas partagée. Non, ça continue. Il y a juste, pouf, les droits qui doublent, comme ça. Et donc, moi, je peux en récupérer une part pour ces années-là. Et bien sûr, là-dessus, on va, à chaque fois, ça dépend. Donc, on va prendre les droits de la pension de la personne de mon ex. On va voir, soustraire, si moi, pendant ces 5 années de mariage, j'avais travaillé. Donc, si j'ai travaillé, hop, on va soustraire et j'aurai droit à rien à ce niveau-là. Si j'étais femme au foyer, typiquement, je vais avoir droit à une portion-là. Après, bien sûr, tout s'est remis à l'échelle de la carrière. Mais du coup, c'est assez impressionnant de voir que parfois il y a des transferts de droits, parfois il y a des droits. Là, on est vraiment sur une création de pension et tout ça sans qu'il y ait eu de cotisation spéciale faite par rapport à ça. Du coup, alors, quand on regarde les statistiques qui aussi doivent être hors écran, c'est ça? Non, elles sont ici derrière la tête. Donc là aussi, on est sur principalement des femmes parce que ça veut toujours dire des écarts, voilà, des écarts de salaire là-dessus. Donc voilà. À noter que c'est aussi possible qu'un, bah, si un même homme, si je reste sur ce schéma-là, divorce plusieurs fois, il peut ouvrir des droits à plusieurs pensions de divorcer pour plusieurs personnes, donc si elles sont dans les conditions. Donc on est, oui, c'est pas facile de s'y trouver. Mais oui, quand on se plonge dedans, on a vraiment du mal à comprendre et à repérer comment ça marche, parce que c'est un peu bizarre tout ça. Mais voilà. Mais donc, alors là, très rapidement, les droits dérivés, ce type de droit où ça existe pour les isolés, pour les salariés, les indépendants, indépendantes et les fonctionnaires, donc dans les trois branches, mais à des niveaux différents. Vous voyez que tout, derrière moi, que tout n'existe pas partout. Les règles aussi de calcul et les règles de cumul ou tout ça, ça peut changer selon, mais je ne vais pas rentrer dans un exposé technique à ce niveau-là, là maintenant, puis de toute façon, je serais bien incapable de le faire, je vous l'avoue. Voilà. Par contre, très concrètement, qu'est-ce que ça donne comme situation? Bah, là, derrière moi, vous allez voir que ça pose une question, pour moi, ça pose une question, franchement, d'inégalité sexuée et sociale. Ça génère des inégalités entre personnes et entre les modèles familiaux eux-mêmes qui sont pris. Donc, si on prend la situation de Johanna. On va dire qu'elle a une carrière complète avec 1400 euros par mois, constante surtout, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais bref, Johanna, avec sa carrière complète à 1400 euros par mois, elle est mariée à Malik, qui lui a pareil une carrière complète de 1600, avec 1600 euros, on va dire, comme revenu par mois. À la pension, ben, Johanna, elle va avoir sa pension propre, la pension classique calculée sur 60%, donc ça va lui faire 840 euros. Et Malik, ben, il avait un salaire plus élevé, donc il va avoir une pension aussi un peu plus élevée, logique, 960 euros. Donc les deux ensemble, ça fait 1800 euros. Donc là, on est sur chacun à sa pension. Et voilà ce que ça donne à la pension. Alors on prend un autre modèle, Marie. Marie, elle est sans carrière professionnelle, donc elle n'a pas travaillé. Typiquement, elle a, au sein du couple, ils ont choisi qu'elle serait femme au foyer et que ce serait le plus simple pour le couple, le mieux pour les deux, le mieux pour les enfants, etc. Marie, elle est mariée à Tom, avec Tom. Et Tom, lui, par contre, il a pu, ben, sa femme était au foyer, prenait en charge certains aspects. Lui, il a pu vraiment investir sa carrière et il arrive à avoir un salaire de 3 000 euros par mois. À la pension, bah, qu'est-ce qui se passe, Marie? Pension propre, zéro. Elle n'a pas travaillé, elle n'a pas cotisé, c'est logique. Et Tom, lui, il va avoir sa pension en fait de 1 800 euros qui va être augmentée avec le taux ménage et qui va être augmentée à 2 250 euros. Donc il va toucher le taux ménage puisqu'il est pensionné avec une conjointe pensionnée également qui a une pension de zéro. Donc sa pension va être augmentée à 2 250. Donc on voit qu'entre la situation de Johanna et Malik et la situation de Marie et Tom, ben, là-dessus, il y a des différences déjà au niveau des revenus du ménage. Et on voit qu'il y a un modèle de choix de vie, de choix de couple qui est favorisé par rapport à un autre. Voilà. C'est montant brut ou imposable ? Et là, oui. Oui, oui, mais du coup, en fait, ce sont aussi des montants théoriques. Hein, mais donc, après, on peut les décliner selon les situations. Mais le calcul se fait sur le brut ou sur l'imposable ? Non, c'est sur le brut. Hein. Ça. La station sociale, c'est toujours sur le brut. Comment au chômage, hein. Ok. Donc, voilà. Alors, si on regarde, mais qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? En cas de décès de Malik et en cas de décès de Tom ? Il va y avoir, vous sonnez la pension de survie là, qui peut rentrer en ligne de compte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Marie, elle va se retrouver avec 1 800 euros. Pourquoi? Parce qu'elle va récupérer la pension de son conjoint Tom. Tom est décédé, elle va pouvoir récupérer ses droits, mais elle ne va pas récupérer 2 250, elle ne va pas récupérer le taux ménage, puisqu'elle ne vit pas avec quelqu'un qui n'a pas de revenus. Là, elle se retrouve malheureusement toute seule. Donc, elle va récupérer la pension complète, totale, individuelle de Tom. Et quant à Johanna, par contre, elle, qu'est-ce qui se passe? Johanna, vous voyez qu'elle va se retrouver avec 1 056 euros. Pourquoi? Ah, c'est aussi dessous. Elle va se retrouver alors avec 1 056 euros. Donc, Johanna, elle avait, ça vous le voyez, 840 à titre personnel. Bah, sa pension, elle va pouvoir être augmentée un peu parce qu'elle va récupérer une partie de la pension de Malik, mais avec un plafond. Il y a un cumul dans ce cas-là, alors que dans le cas de Marie, ça ne va pas avoir lieu. Donc, on trouve vraiment les questions qui se posent, ce sont vraiment des questions sexuées et d'inégalité sexuée et sociale avec une institutionnalisation d'une dépendance sur base du mariage. Donc ça encourage vraiment un modèle qui plonge dans une certaine dépendance et un modèle qui est celui un modèle inventé qui est celui d'un couple hétérosexuel inégalitaire et fortement inégalitaire qui est amené là et qui reste comme modèle avec... On trouve aussi derrière des réalités très différentes. On retrouve derrière, dans les droits dérivés, on va retrouver, et ça c'est important de le noter, parce qu'on va voir soit des couples avec des revenus assez élevés, ou en fait, dans une situation de confort, par un choix qui a été fait au sein pour favoriser la carrière de monsieur et madame plus qui se consacrent aux enfants. Par contre, on va retrouver aussi ça auprès de couples beaucoup plus précaires, où là, madame, ses possibilités d'emploi, c'était des emplois précaires à temps partiel, à petit salaire, et il faut en plus trouver peut-être une garde des enfants, et on a des horaires explosés qui permettent pas d'aller chercher ses enfants et d'amener ses enfants. Qu'est-ce que je fais? J'arrête, c'est plus simple. Ça, en plus, ça va peut-être nous coûter plus. Donc, on a ces deux réalités là derrière. Il faut savoir que ça existe plus largement, ces droits dérivés. Il faut les voir dans le système de la sécurité sociale plus globalement. Les droits dérivés, ça existe ailleurs, notamment dans les soins de santé, par exemple. C'est allié aux droits non perçus, au statut de cohabitant dont on parlait et dont on va encore parler là-dessus. Il y a des cotisations qui sont versées et on nous rogne des droits. D'un autre côté, il y a des cotisations qui sont versées et des droits qui sont créés. Et quelles sont les personnes, quelles sont les inégalités sociales là derrière? Il y a des cotisations qui sont versées et puis hop, des droits qui apparaissent. Et mes cotisations, c'est comme si je n'avais pas travaillé, c'est la même chose. Donc c'est la même logique derrière familialiste avec l'idée d'un homme gagne-pain, enfin un modèle un peu là-dessus. Donc les pistes, évidemment... C'est favoriser la constitution de droits propres individuels, donc qu'on puisse avoir une pension correcte avec, de par ses cotisations, en tout cas donner la possibilité de le faire. Ensuite, on peut faire des choix si on a cette possibilité-là. Et donc, avec des prestations, des allocations qui ne dépendent pas de avec qui on vit. Et ce, réforme globale dans tous les domaines de la sécurité sociale, donc pas se centrer sur, on ne va pas s'attaquer uniquement aux pensions. Et le fait, il faudrait que ce soit aussi, quand on s'attaque à ça, si on veut changer ça, on doit le faire progressivement. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer les règles comme ça. Parce qu'il y a des familles, des couples, des personnes qui ont construit leur vie avec, dans ce système. Donc si on change tout, paf, du jour au lendemain, catastrophe. Donc il faut, voilà, se donner le temps pour ça. Et la priorité, on ne peut pas parler de pension, on ne peut pas parler de sécurité sociale sans parler d'emploi. Donc des emplois précaires, des emplois quant à l'heure actuelle, on coupe dans les assimilations, donc le chômage, le congé, tout ce qui compte pour la pension et qui permet aussi de se constituer des droits complets, des droits propres ou des droits un peu meilleurs, on coupe dedans, ça n'y contribue pas, quoi. On favorise les horaires flexibles dans l'emploi. On ne favorise pas des droits complets pour la pension. Donc il y a tout cet aspect qui est pour nous, en tout cas à Vie Féminine, c'est une priorité de jouer là-dedans et de prendre en compte ce contexte. Et attention, ça c'est l'attention que je voudrais juste glisser avant de rendre le micro, c'est qu'à l'heure actuelle, donc ok, c'est peut-être moins connu ce qui se passe dans la pension, on a peut-être l'impression que c'est loin ces réflexions autour du statut de cohabitant, d'individualisation, là ce terme barbare, ça je rejoins, mais voilà ce qu'il y a derrière comme réalité. Ça semble peut-être loin, mais pas des préoccupations de tout le monde. Et donc, à l'heure actuelle, donc au niveau fédéral, il y a une réflexion qui se passe derrière, là aussi, un autre beau terme, la modernisation familiale. Donc, modernisation, on aime bien moderniser hein, au niveau des politiques fédérales. Par contre, ben voilà, la modernisation familiale, la voici. C'est un peu du gadget. Derrière ça, ça se passe uniquement au niveau des pensions. Donc, ok, on va moderniser la famille, on va adapter le système en pension seulement. On ne s'attaque pas du tout aux droits non perçus dans les autres branches. Non, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Donc, ça peut être fait dans une vision tout à fait économique. On va faire des coupes dans des droits dérivés. On voit qu'ils causent des inégalités. On voit que ces droits dérivés aussi, ils tiennent en compte de certaines situations. Et en parallèle, au niveau fédéral, ben on coupe aussi, comme je l'ai dit, dans les assimilations, dans l'emploi, voilà. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voulais attirer votre attention aussi sur ce qui se passe, les termes qui sont pris, et sur cette importance de le considérer dans l'entièreté. Merci. Vous tenez le coup? On est en avance sur le programme, c'est magnifique. Hein, on a 5 minutes d'avance. Et comme ça, Yves va pouvoir les utiliser. Plus de temps pour le débat. Voilà, donc on aura un peu plus de temps. On aura au moins le temps prévu pour le débat, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc je donne la parole à Yves Martens, qui est coordinateur du collectif Solidarité contre l'exclusion, et qui donc va aborder la question sous l'angle du statut de cohabitant en matière de chômage et d'aide sociale. Bien, donc je m'étais dit que j'allais un peu m'adapter en fonction de ce qui allait être dit précédemment, mais comme on avait quand même un peu préparé, finalement je pense que c'est assez bien cadré. Paul, dans son introduction, a parlé de 1980, et puis Philippe a parlé de la dernière année du XXe siècle, 1900, on a parlé de 19e aussi. Et en fait, effectivement, ben, pour reprendre le terme que Soizic vient d'utiliser, la logique familialiste, elle a imprégné toute notre société, mais aussi tout ce qui a trait au travail, à la sécurité sociale et à l'aide sociale, bien avant, évidemment, 1980. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le... après la Première Guerre mondiale, on va avoir des subsides qui vont être donnés par le gouvernement aux caisses de chômage. Et en fait, dès qu'on revient en arrière, dès qu'on prend des mesures, paf, on tombe sur ce qu'on n'appelait pas les cohabitants à ce moment-là, mais les femmes mariées. C'était tout à fait clairement identifié Et le changement de terme ensuite a été un petit peu révélateur. Et donc, par exemple, on exclut les femmes chômeuses dont le mari travaille au moins 4 jours par semaine. On exclut les femmes chômeuses dont le conjoint touche des allocations du Fonds national de crise, donc l'ancêtre des allocations de chômage. Même chose en 1933. On exclut, alors carrément, là, la crise est grave, on exclut carrément les femmes mariées du chômage. On passe à l'obligation de pointer aussi. Et puis alors en 1934, encore des nouveaux pouvoirs spéciaux. Les allocations du chômeur dont l'épouse travaille sont réduites de 25%. Le nombre de... oui, ça, c'est pas dans notre sujet. Et puis les femmes ne sont plus embauchées dans l'administration. Et les femmes au travail, mariées ou non, donc dans ces administrations, sont remplacées par des hommes chômeurs. Et pour vous dire, on a 113 956 chômeurs qui perdent leurs droits aux allocations entre 1933 et 1934. Donc vous voyez que la chasse aux chômeurs n'est pas non plus nouvelle. Alors, aussi, on a introduit des demandes de stage au début, à la sortie de la guerre, pour les femmes, alors qu'on ne le faisait pas pour les hommes. Et puis, dès 1945... dans un arrêté du régent après l'arrêté fondateur de la Sécurité sociale de décembre 1944, confirmé encore ensuite, donc là c'était l'article 77, devenu après l'article 143, devenu après l'article 80, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là on avait une exclusion pour chômage d'une durée anormalement longue, entre guillemets, et donc c'était une fin de droit automatique pour les cohabitants dont la durée de chômage dépassait une fois et demie la durée de chômage de leur tranche d'âge dans leur bureau de chômage. Donc quand je dis automatique, ce n'était pas totalement automatique, il y avait quand même une inscription dans la réalité du chômage de l'endroit. Mais ça concernait principalement les femmes, et pour vous dire, entre 1997 et 2004, 73% des exclusions étaient des femmes, mais c'est beaucoup moins que la situation qui était avant, en fait. Ça avait déjà nettement diminué. En fait, on voit que non seulement le pourcentage d'hommes augmente par rapport au pourcentage de femmes, tout en restant inférieur, mais la totalité du nombre de personnes exclues par le dispositif diminue. Il y a les changements de type de vie, de type de ménage dont vous avez été plusieurs à parler. Mais il y a aussi, on l'a évoqué aussi, la manière dont on s'organisait finalement, dont face à ces attaques qui étaient connues, eh bien on a des personnes se séparaient fictivement ou pas, hein, parfois c'était réel à cause de ça ou parfois fictivement, prenaient des fausses adresses, des boîtes aux lettres, enfin tous les trucs qu'on connaît. Pardon ? Ou renoncer à leurs droits, bien sûr aussi. Et alors en fait... Et là, je commence déjà par attirer votre attention sur cet aspect-là, où il faut être très attentif, Philippe l'a déjà un petit peu dit. Parce qu'une des manières, un des arguments quand on a mis l'activation du comportement de recherche d'emploi en 2004 en place, c'était de dire on va mettre fin à la discrimination de l'article 80, qui ne touchait que les cohabitants. Alors, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi, je trouve que si on est progressiste, la manière de mettre fin à une discrimination n'est pas de rendre la discrimination applicable à tout le monde. Je veux dire que tout le monde a le droit d'être exclu. Donc ça me semble, c'est quand même un élément auquel il faut faire attention dans nos revendications par rapport au statut cohabitant. Mais ceci, je vous dis, je vous rassure, même dans l'activation du comportement de recherche d'emploi, même si on pouvait exclure tout le monde, on frappait quand même plus fort les cohabitants, comme ça on garde quand même notre bonne vieille méthode. Donc notamment la suspension totale des allocations dès la seconde évaluation négative et exclusion définitive plus rapide. Quand le gouvernement Di Rupo a mis en place la limitation à 3 ans des allocations d'insertion, les cohabitants, à nouveau, sont plus touchés, puisque la limitation à 3 ans était quel que soit l'âge, tandis qu'on comptait 3 ans au-delà de 30 ans pour les isolés, les chefs de ménage et les cohabitants non privilégiés. Si... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Dans la dégressivité des allocations de chômage, la dégressivité des allocations de chômage existe depuis toujours, mais elle a été renforcée en 2012, et en fait, si vous voyez le... Je sais pas comment ça se fait que c'est décalé comme ça, en fait. Si vous regardez, auparavant, seuls les cohabitants, en fin de dégressivité, tombaient au forfait. Les autres catégories gardaient une allocation qui était liée au salaire perdu. Le pourcentage diminuait et le salaire plafonné qui était pris en compte diminuait, mais il restait un lien. Le principe de la dégressivité accrue et accélérée qui a été mis en place en 2012, c'est que les allocations descendent plus vite et qu'en plus elles descendent tout au forfait. Donc de nouveau, c'est une situation où on a supprimé la discrimination envers les cohabitants en l'élargissant à tout le monde. Maintenant, tous les chômeurs tombent au forfait au bout de 4 ans maximum. En CPAS, pour le calcul de revenus d'intégration, la loi dit que le CPAS doit tenir compte des ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite s'il s'agit de son conjoint. Et là, contrairement aux pensions, il ne faut pas nécessairement que ce soit quelqu'un avec qui la personne est mariée. Donc ça peut être conjoint ou ménage de fait. Pour le calcul toujours du revenu d'intégration sociale, le CPAS peut, donc là c'est facultatif, tenir compte des ressources des autres cohabitants, c'est-à-dire pas tous les autres cohabitants, mais les ascendants et descendants premier degré, c'est-à-dire les parents ou les enfants. D'accord ? Et s'il tient compte de ses ressources, il peut en tenir compte partiellement ou totalement. Donc aujourd'hui, dans les CPS, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Il y a une vraie marge de manœuvre dans les CPS sur cet aspect-là. Si cet aspect-là était correctement appliqué, ça répondrait à l'argument qu'on dit toujours « Ouais, mais bon, la personne qui n'a pas de revenu propre et qui aurait droit à demanderait à avoir droit à un revenu d'intégration, si c'est le fils d'Albert Frère, quand même, est-ce qu'on trouve ça normal ?» Alors certains vous diront « Chacun a droit à son revenu propre, même si c'est le fils d'Albert Frère, je m'en fous. » Mais en tout cas, dans la situation actuelle, on peut déjà dire « On prend en compte totalement ou partiellement les ressources des ascendants et des descendants premier degré. » Par contre, la personne avec laquelle on cohabite, là, la prise en compte dans l'état actuel est obligatoire. Maintenant, quand je dis que c'est obligatoire, donc il y a la loi, mais c'est quand même le roi, donc on peut demander au roi, peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. Donc en fait, par simple arrêté royal, on peut modifier ces éléments-là, et donc on peut avoir des situations fluctuantes. Maintenant, qu'est-ce qu'un cohabitant ? Et là, je vais l'expliquer un petit peu plus que je ne pensais le faire, parce que finalement, ça a été assez peu développé. La question de la composition de ménage, la situation s'est renforcée depuis quelques années, parce qu'il y a eu un tour de vis des communes, principalement pour des raisons urbanistiques, et parce que, il faut le dire, qu'avec la multiplication de la population et avec aussi la recherche d'une maximisation des profits par certains propriétaires, il y a eu une multiplication de divisions de logements pour faire d'une maison, le coup classique, la maison unifamiliale qu'on transforme en différents appartements, parfois sans du tout demander l'autorisation à l'urbanisme de le faire. Et donc on s'est retrouvé avec des situations complètement chaotiques dans lesquelles les communes ont voulu remettre de l'ordre. Dans les articles que vous avez dans la FARD, j'ai un des articles qui explique ça de manière plus détaillée. Et par ailleurs, c'est des articles issus de la revue Ensemble que vous pouvez, dont vous pouvez avoir le dernier numéro à la sortie. Il y en a sur la table. Et si vous n'en avez pas assez, j'en ai encore dans la voiture. Voilà, ça c'était la minute de... C'est l'intermède de pub à la moitié de l'intervention. Oui. Et alors tout est téléchargeable aussi gratuitement sur Internet. Donc, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dès lors avec cette mise en ordre urbanistique, avec le fait que toutes les personnes d'un immeuble se retrouvaient parfois mises sur la même composition de ménage. Ou l'exemple que je pense que c'est Christine qui l'avait utilisé tout à l'heure, en fonction du rapport de l'agent de quartier, l'agent de quartier va estimer que toutes les personnes sont mises sur la même composition de ménage. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que la composition de ménage n'est pas un élément pertinent pour établir qu'est-ce qu'un cohabitant au sens de la législation sociale. Alors, si je prends l'exemple du chômage, en fait, dans l'arrêté royal corps de la Sécu et de l'assurance chômage, donc du 25 novembre 1991, mais qui reprend en fait celui de décembre 1944 et qui est, ça a été renuméroté en 1991, le statut de cohabitant, il est défini par défaut. Est cohabitant celui ou celle qui n'est ni chef de ménage ni isolé. Donc ça, évidemment, c'est un peu embêtant, parce que ça concerne plein de personnes potentiellement. Donc un jeune qui habite encore chez ses parents et qui n'est plus aux études, des sœurs, des cousins, des... Alors que je vous rappelle, donc en CPS, les choses sont plus claires. Hein. On parle de conjoint et ascendant, descendant, premier degré. Donc en fait, il n'y a aucun élément non plus de dire est-ce qu'il faut un lien de parenté, un rapport affectif, amoureux, sexuel, ni même amical en fait. On n'en tient absolument pas compte. Donc il faut être plus précis par ce qu'on entend. Il y a heureusement, au-delà de l'arrêté royal, un arrêté ministériel qui précise un peu. Et qui dit, et c'est de là que vient cette formule que vous avez entendue, que Christine notamment a évoquée, il y a lieu d'entendre le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. Le « et » est très important. Les données sont cumulatives. Donc il ne suffit pas d'habiter sous le même toit. Il faut régler principalement, alors vous voyez tout de suite que le principalement, c'est le mot sur lequel on va s'écharper pour savoir est-ce que c'est secondairement, subsidiairement, beaucoup à 60 ou à 75% si c'est augmenté. Les questions ménagères, qu'est-ce que sont les questions ménagères exactement? En même temps, je dis ça et... Pourquoi ça vous... Oui. En fait, je dis ça et comme je le disais en aparté à Philippe là tout de suite, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème... Si, comme le dit Christine, on va au tribunal, parce que la jurisprudence, elle est extrêmement constante, elle est extrêmement claire, et j'ai retrouvé en préparant ici, mais je n'ai pas reproduit encore des jurisprudences anciennes, notamment sur la loi Minimex de 74, où c'est très clair, en fait. Les éléments sont très, très bien définis, de manière tout à fait évidente. Mais il y a un problème fondamental, c'est qu'il appartient à l'assuré social de faire la preuve de sa situation. On pourrait encore dire que c'est normal, sauf que non seulement il doit faire la preuve, mais qu'à cause de cette putain de composition de ménage, en fait, il y a une présomption de preuve dans l'autre sens, qui a été renforcée depuis une dizaine d'années par... la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, toutes les plateformes électroniques, qui font que les institutions de protection sociale, que ce soit le chômage, que ce soit le CPS, que ce soit l'INAMI, elles ont accès sur la Banque Carrefour à la composition de ménage. Et donc, la logique, surtout de l'ONEM, mais souvent des autres aussi, est de considérer qu'à partir du moment où vous êtes sur la même composition de ménage, on vous considère d'office comme cohabitant et à vous de faire la preuve du contraire. Alors évidemment, si vous participez à des collègues comme celui-ci, si vous lisez des excellentes revues comme la nôtre ou d'autres, donc vous êtes au courant de ces trucs-là. Si vous avez un réseau culturel, social autour de vous, où vous pouvez vous faire aider, conseiller, avoir une aide juridique gratuite ou quoi, enfin, etc. Ok, vous allez peut-être pouvoir vous en sortir, mais... sans même parler du tribunal du travail, donc bien avant ça, qui sait ça? Qui sait que si l'ONEM vous considère comme cohabitant parce que vous êtes sur la composition de ménage, il vous suffit de faire la preuve du contraire. Alors il vous suffit, pas si simple évidemment, parce que c'est quoi faire la preuve du contraire? Il y a eu un arrêt récent de la Cour de cassation, l'année passée, qui a été salué... de manière victorieuse, importante et parfois un peu trop joyeuse à mon sens, parce que les communiqués de victoire que j'ai vus là, je me suis dit, ouh là là là là, ça va donner des espoirs démesurés à certaines personnes, parce qu'il faut bien mesurer ce qu'il y a là-dedans. Et donc, je dis toujours, quand on a des bonnes nouvelles, bon, on va pas se plaindre d'avoir une victoire, mais enfin, il faut faire attention à comment on la présente. Parce que finalement, cette victoire-là, elle ne faisait que confirmer toutes les jurisprudences dont je vous parlais précédemment, et elle ne règle toujours pas la question principale, qui est celle que la plupart des exemples qu'on a pris tout à l'heure ne sont pas concernés. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on ne peut pas avoir de projet de vie pour être dans le cadre de cette législation. Quand on voit si ces personnes règlent principalement en commun leurs questions ménagères, on va d'abord, il n'y a rien qui dit exactement ce qu'il en est. Donc, dans l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour de cassation prend une série de critères que je vous ai mis là. Et une de vous deux avait dit tout à l'heure un autre exemple où c'était aussi... Oui, dans le pacte de colocation, avec des exemples très précis. Si vous êtes tip-top dans la même situation, vous êtes bien pour vous défendre par rapport à la Cour de cassation. Il suffit qu'il y ait une virgule de différence par rapport à ça pour que l'ONEM vous dise, ou que le CPS vous dise, ou que l'INAMI vous dise, « Ouais, mais non, hein, vous n'êtes pas tout à fait dans cette situation-là. » Donc ça règle des choses pour des gens qui sont dans des logements où ils partagent certaines pièces. Mais par exemple, dans la cuisine, il faut que chacun soit et sa colonne, soit qu'il y ait des étiquettes avec la vaisselle d'un tel, la vaisselle de l'autre, que... Il faut que dans le frigo, il y ait aussi des étiquetages qui disent qu'est-ce qui est acquis. Et même les produits de ménage, il ne suffit même pas que chacun fasse le ménage à tour de rôle de son côté et qu'il ne s'aide pas pour faire le ménage. Il faut qu'il ait ses propres produits. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec... je vais pas refaire la pub du gosse qui veut que le produit de lessive soit vide pour qu'il puisse en faire un avion. Mais vous imaginez, si vous, chacun doit en avoir, vous êtes quatre à vous partager un logement comme ça et vous avez votre quatre bouteilles pour avoir les avions, les enfants vont attendre encore plus longtemps, quoi. Donc, voilà. Il ne faut pas croire que cet arrêt soit un truc miraculeux. Alors, en plus, l'ONEM, qui est sans doute... On dit on aime, mais à mon avis... À l'ONEM, on n'aime pas ses administrés. À mon avis, ça doit être l'administration qui est le plus ses administrés et qui est chaque fois à les considérer comme des tricheurs en puissance. J'en profite pour dire que non seulement on a eu plein d'études qui montrent que la fraude sociale, elle n'est vraiment pas importante dans ce pays, mais la principale soi-disant fraude sociale, c'est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, la fraude à la cohabitation, au statut isolé cohabitant. Donc voilà, pour moi, c'est déjà pas vraiment une vraie fraude. Alors, l'ONEM s'est fendu, après l'arrêt de la Cour de cassation, d'une circulaire qui précise au bureau de chômage ce qu'il doit faire par rapport au fait que les gens se se revendiqueraient de cet arrêt de la Cour de cassation pour obtenir un statut isolé. Donc, ils mettent un certain nombre d'éléments, mais alors en plus, ça c'est quand même le plus extraordinaire, le bureau de chômage peut également remonter dans l'historique des différents formulaires C1 introduits par l'intéressé et ou ses colocataires, afin de s'assurer que la situation personnelle et familiale du chômeur n'a pas été organisée fictivement de manière à correspondre aux critères retenus par la Cour de cassation. Ça veut dire que on a des gens qui se conforment aux règles et on leur reprocherait de l'avoir fait soi-disant fictivement. C'est quand même incroyable, quoi. Vous imaginez jusqu'où peut aller l'ONEM. Alors heureusement, et ça vous le verrez dans mon article, l'INAMI a pris tout à fait une autre posture et au contraire, c'était déjà dans sa pratique, mais l'INAMI a profité de l'arrêt de la Cour de cassation pour renforcer la possibilité d'avoir un renversement de cette soi-disant charge de la preuve que constituerait la composition de ménage. Maintenant, comment est-ce qu'on sort de ces problèmes-là? On a parlé de l'individualisation des droits. Je suis aussi d'accord de dire que le mot individualisation est un peu problématique. Je rappelle quand même qu'avec 2004, avec l'activation du comportement de recherche d'emploi, on a clairement individualisé les responsabilités et on a déplacé une partie de la responsabilité collective du chômage sur chaque chômeur individuellement, sans individualiser les droits. C'est quand même un peu paradoxal. Je rejoins totalement, j'ai fait aussi un article là-dessus qui n'est pas dans la FARD, mais vous pourrez trouver sur Internet. Je rejoins totalement ce que disait Philippe sur le problème que pose le calcul du seuil de pauvreté, qui est dans une logique familialiste. Premier adulte, 1, deuxième, 1,5, tous ceux de plus de 16 ans, 1,5, et ceux de moins de 16 ans, 0,3. Donc, soyons clairs, 1139 fois 1,5, parce que là, Philippe n'a pas cité le chiffre, donc je vous le dis, 1780,5 divisé par 2, ça fait 854,25. Si on se base sur ça, ça veut dire qu'on diminue le montant des allocations minimales actuelles. Donc, il faut quand même faire gaffe. Il faut d'autant plus faire gaffe qu'il y en a qui ont très bien compris ça. Hein. Parce que moi, j'ai eu plusieurs fois des débats avec des gens du MR, et bon, on n'a pas toujours le temps de s'exprimer aussi en détail qu'ici. Ils disent, mais nous, on est des vrais libéraux, disent-ils. Hein. On est d'accord hein, d'individualiser les droits. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Hein. On ne va pas le faire au montant aujourd'hui. Ça sera un montant intermédiaire entre les deux. Hein. Pour ça que c'est après l'avare de Molière, vous avez l'avare du MR, quoi. Donc, par ailleurs, si jamais c'est abordé dans le débat, on peut encore dire qu'il y a toute une série de situations temporaires, les hébergements temporaires, tous ces trucs-là sont prévus et dans la jurisprudence et au niveau CPS, même dans la législation. Donc ces éléments-là, normalement, ne devraient pas poser problème. Mais ce qu'on voit dans la réalité des choses, soit parce que les CPS mènent des politiques pas aussi généreuses que celles qu'elles pourraient parfaitement mener, y compris dans la législation et la jurisprudence actuelle, soit parce que, comme je le disais, l'ONEM est une administration qui n'aime pas ses administrés, que je propose donc de rebaptiser Office national de l'exclusion massive. Hein, ça ferait le même acronyme, mais ce serait plus juste. Donc, en fait, on est dans des situations où ça ne suffit pas de dire on peut aller au tribunal du travail, on peut remettre en cause, si on le sait, cette suspicion de la composition de ménage. Donc, je pense qu'il faut clairement supprimer le statut cohabitant, mais en veillant, alors il faut voir la formule, mais soit on peut dire qu'aucune allocation ne soit inférieure au seuil de pauvreté taux isolé, parce qu'on est obligé de préciser ça pour ne pas avoir la mauvaise blague que je citais précédemment. On peut dire qu'aucune allocation soit inférieure au taux isolé actuel. On peut imaginer un phasage entre les deux. Enfin, je pense que c'est clairement une suppression du statut cohabitant qu'il faut faire de manière prioritaire, qui est facile à mettre en place, qui représente un levier, je crois que vous l'avez dit toutes les deux, aussi qui va directement insuffler de l'argent dans l'économie réelle, parce que ce n'est pas de l'argent que les cohabitants vont aller mettre à l'île Caïman. Je peux vous dire que même la femme de notaire ou la femme de médecin, parce que c'est toujours ça qu'on nous dit, est-ce que vous trouvez normal que la femme de notaire ou femme de médecin reçoive une allocation pleine? Ben oui, parce que quand elle a cotisé, effectivement, elle a cotisé pleinement. Quand elle subit le risque, elle a le droit à avoir le risque la prestation intégrale. Et donc, du coup, c'est ma petite nuance peut-être avec Philippe, enfin, quoique je ne sais pas très bien comment faire. Dans les systèmes contributifs, ça me semble clair. On cotise à 100%, on doit percevoir à 100%. Pour ça, j'attire votre attention sur un aspect de langage aussi important. À l'ONEM, on dit systématiquement que les gens déclarent une fausse situation pour recevoir plus. Mais non, c'est faux. C'est pour ne pas recevoir moins. Alors on me dit que je pinaille, mais non. Et là, Christine, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est une allocation minorée. Donc on doit bien revendiquer le fait que l'allocation de base, c'est l'allocation isolée et qu'on ne veut pas qu'elle soit minorée. On ne pourra pas d'un coup supprimer les allocations majorées. Donc les taux ménage, ça doit se lisser. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat parce que je connais bien les points de vue des féministes. J'en connais pas qui disent qu'il faut supprimer du jour au lendemain les taux ménage. Ça n'est pas vrai. Donc en fait, il faut supprimer le taux cohabitant, ça n'aurait que des avantages. Et je suis quand même inquiet par les exceptions, que ce soit les packs de colocation, que ce soit, on dit, les habitats kangourous, les habitats groupés, les habitats solidaires. Faisons des trucs où il y a des exceptions. Oui, c'est bien pour les gens qui profitent de l'exception, mais ça ne résout pas le problème de la majorité des gens. Et je pense que ça a de nouveau un biais d'inégalité sociale important, parce que ça va toucher quand même, sans vouloir dire que ce type d'habitat-là sont pour des bobos, des trucs comme ça, c'est quand même souvent un public relativement privilégié qui est dans ce type de fonctionnement. Donc je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est le supprimer, en tout cas dans les régimes contributifs. Dans les régimes non contributifs, je pense que de toute façon, supprimer le taux cohabitant, et j'ai fait un article détaillé que vous pourrez trouver si ça vous intéresse, sur quelle prise en compte des ressources, en fixant, si vous voulez, un montant de ressources faibles des autres personnes qui ne seraient pas pris en compte et qui, de toute façon, représenteraient un très très grand progrès par rapport à la situation actuelle. Merci. Voilà, donc vous aurez la parole maintenant, disons dans une minute ou deux. Guillaume, pendant les exposés, a pris note des propositions qui ont été émises et donc des questions de débat qui seront à partager avec les intervenants et la salle, notamment sur le champ d'intervention de l'individualisation des droits. Est-ce que c'est en sécurité sociale uniquement ou c'est ça dans tous les domaines? Avec quelles nuances? Comment y arriver? Et donc voilà, Guillaume va vous présenter comment il a interprété vos propositions. Et on les mettra en débat en deux ou trois packages. Un paquet qui concernera les questions qui sont relatives au logement. L'autre paquet qui est relatif donc à la question même de l'individualisation des droits et des autres questions dont il va nous faire part. Il va présenter l'ensemble et on reviendra morceau par morceau. Et vous aurez d'abord la parole pour poser des questions, donner votre avis. Et les intervenants soit répondront à vos questions, évidemment, s'il y a des questions, et échangeront aussi entre eux sur les pistes qui ont été présentées par les autres intervenants. OK ? En sachant que Christine Maillet, je lui donnerai la parole prioritairement parce qu'elle doit partir un peu plus tôt, mais on est dans les temps. Donc, j'espère avoir compris ce que je vais dire maintenant. Si jamais il y a des erreurs, les intervenants, vous n'hésitez pas à corriger. Par contre, je me suis vraiment exclusivement concentré sur ce qui était du domaine des propositions. Alors forcément, tout n'y sera peut-être pas. Certaines choses sont peut-être formulées un peu différemment. Mais je pense qu'on a une espèce quand même de base commune et j'espère avoir tiré des propositions qui venaient de chacun d'entre vous. Je les ai regroupées en trois grandes catégories. La première, c'est dans le domaine du droit ou du logement. Droit au logement, logement. J'ai listé trois choses. D'abord, et j'avoue que j'ai un petit peu triché, c'est que je me suis aussi un petit peu inspiré des documents qui sont dans les phares des participants. Aller vers une reconnaissance des différentes formes d'habitat partagé, mais avec une remarque de Christine, qui est en donnant une meilleure assise juridique pour les formes de colocation, pour faciliter la reconnaissance de celles-ci, mais attention à la formalisation, aux documents qui sont trop rigides. Tu me corriges, hein, Christine, si... Mais peut-être juste alors pour préciser, l'exemple du pacte montre qu'effectivement, là, ce qui importe, ce n'est pas évidemment de passer par là pour faire reconnaître les droits. Par contre, c'est important que les droits puissent s'appliquer dans des nouvelles formes d'habiter dont les gens ont besoin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. OK. Voilà. Avec cette nuance. J'ai aussi entendu donc Philippe Defeil dire que un des deux piliers vers lequel il fallait aller en complément à une individualisation des droits, c'était une allocation de loyer. Et enfin, donc, travailler, ça c'est peut-être une des choses les plus basiques, mais travailler sur l'aberration du certificat de composition de ménage lui-même, dans la mesure où il donne parfois une information qui est trop rigide, qui ne colle plus à des réalités, à des situations qui sont mouvantes. Ou parce qu'il donne des informations, dans le cas du logement, ici, dans le cas d'une location, il donne des informations que le bailleur n'a pas besoin de connaître. Voilà pour ce qui concerne le domaine du logement. Alors, dans le deuxième domaine, c'est l'individualisation des droits, dit comme ça pour le moment. Difficile de distinguer, les choses ne sont pas opposées les unes aux autres, mais disons qu'on a quand même des nuances dans le discours. On a une proposition qui est plus radicale, enfin plus globale, qui est généraliser l'individualisation des droits à toutes et à tous. C'est ce que Philippe Defeil proposait. Ensuite, donc, pour être clair, c'est bien l'idée qu'un certain nombre de modèles s'arrêtent aux portes des régimes d'assistance. Non contributif. C'est ça. non seulement dans les régimes contributifs, mais aussi dans les régimes d'assistance. Pardon ? Oui, il est probable qu'elle soit assez bien partagée, mais dans le discours, on entend des nuances plus ou moins fermes. Ensuite, là où on s'est plutôt attaché à une individualisation avec des nuances de processus, de trajectoire, Yves Martens disait, en proposition principale vraiment, commencer par supprimer le statut de cohabitant dans les régimes contributifs, mais attention à la question des socles, alors à ne pas se faire entuber au niveau de l'avarice du MR, si j'ai bien compris. Exactement. Du côté de Soizic Dubos, je ne sais pas si j'ai bien compris ça, aller vers une suppression progressive, quand même, des droits dérivés, progressive, en insistant sur le progressif. Sans pinailler, mais on peut revenir là-dessus pendant le débat. Est-ce que c'est progressif ou avec des phases transitoires ? C'est pas la même chose. Progressif, c'est on instaure l'individualisation de manière progressive. Je pense que ce que vous avez en tête, et j'espère que c'est ça, c'est on installe l'individualisation, mais bien sûr, il y a une phase transitoire. C'est comme quand on fait une réforme des pensions. Ou bien est-ce que j'interprète trop ce que tu as dit ? Peut-être qu'on peut garder la question. Je présente l'ensemble et puis ça peut être le démarrage d'une discussion. Et puis alors, ça c'est aussi ce que disait Soizic Dubos, une individualisation des droits en sécurité sociale, une réforme globale, mais en tenant compte de, surtout, favoriser la constitution de droits propres individuels pour des prestations indépendantes des modes de vie, et donc supprimer les mécanismes hérités d'un modèle familialiste, couple hétéro-marié, qui amène pour le moment des inégalités. Et alors, avec une insistance sur le fait que la réforme doit être progressive ou par palier, par transition. Donc là, il faut peut-être préciser. Le dernier tiret n'a pas lieu d'être, c'est un résidu de... Voilà. Et alors, d'autres choses que j'ai eu du mal à classer, mais qui peuvent peut-être se classer dans l'idée de la vision, de la théorie ou de la pédagogie. Apparemment, vous êtes tous et toutes d'accord qu'il y a un enjeu de pédagogie et qu'il faut parler autrement au grand public. C'est-à-dire cesser, ou en tout cas ne pas seulement parler d'individualisation, mais plutôt pointer vers l'objectif réel de liberté et de solidarité, qui est sans doute plus parlant que individualisation. Philippe Defeydt proposait d'approfondir aussi des questions qui selon lui, sont peut-être parfois difficiles à approfondir à gauche. La question des pièges à l'emploi, les clés de calcul qui sont obsolètes et les manières dont on détermine le taux de pauvreté. Et ce sont des enjeux fondamentaux. Et enfin, et ça c'est Christine Steinbach qui disait ça, organiser une cohérence dans la façon dont les différentes institutions... Enfin, peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'organiser si par ailleurs d'autres évolutions bénéfiques existent, mais tant qu'elles n'arrivent pas, en tout cas, organiser une cohérence dans la façon dont les différentes institutions, de l'agent de quartier à la justice, en passant par le CPAS et l'ONEM, interprètent la façon dont les gens vivent. Et pour terminer, de manière un peu plus concrète, j'ai aussi retenu quand même des expressions de Christine Maï qui disait peut-être la priorité c'est de poignée dedans, c'est-à-dire une priorité qui est plutôt stratégique que de contenu ici, d'y aller, c'est-à-dire de mener le combat, et de déformaliser, et là il y avait un certain accord de tout le monde aussi, sur le fait que pour le moment ce sont des couches successives de contrôle, de suspicion, de documents, d'administration, et donc proposition de l'autre Christine... de renverser dans l'imaginaire la vision. Plus une vision de suspicion de fraude, mais une vision de droit à la vie décente. Voilà. Donc, je propose que tu remettes la première série de questions ou propositions à mettre en débat. Celle qui concerne plutôt autour du logement. Je sais que c'est un peu difficile... de séparer les interventions, si vous avez envie d'intervenir, mais on va essayer plutôt de procéder comme ça. Évidemment, les débats sont évidemment liés, puisque tout tourne autour de la question de la composition de ménage et du statut de cohabitant, mais plutôt tout ce qui tourne autour du logement. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions, des témoignages, des choses qu'elles n'ont pas compris ou qu'elles voudraient préciser avec les intervenants ou simplement signaler.